Bonjour, bonjour. Donc en effet, bulle de rêve, alors pour continuer le non-professionnalisme dont parlait juste à l'instant Nicolas, en effet, le générique que vous avez entendu est... que vous allez entendre, une musique que vous entendez beaucoup aujourd'hui, est tirée d'un film absolument magnifique qui s'appelle La forêt de Mogari de Naomi Kawase, et dont j'ai oublié malheureusement le nom du compositeur, honte à moi avant de partir, mais voilà, on pourra vite regarder. N'obligeons pas l'un de nos invités à essayer de le savoir, mais on regardera peut-être sur internet, voilà, et on essaiera de trouver ça. Une émission qu'on a voulu un petit peu aujourd'hui, donc un retour, hein, ça faisait longtemps, c'est vrai, on peut dire bonne année à tout le monde, même s'il est tard, parce qu'en effet, nous n'avons pas eu d'émission en décembre, autour d'une des figures très importantes du cinéma d'animation français, qui est Paul Grimaud. Cette table est ouverte sur 3D, le même livre, mais en trois fois, donc en effet, un livre... écrit par le grand connaisseur de Paul Grimaud, Jean-Pierre Pagliano. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Voilà, qui bonjour, nous fait dames. Le plaisir d'être ici pour son livre. On a eu il y a quelque temps les Shadocks, autre gros livre qui était sorti pour Noël. Et ben les éditions françaises commencent un petit peu à se bouger et à au moins déjà parler des classiques du cinéma, alors de style complètement différent entre évidemment les Shadocks et le Roi et l'Oiseau. Et là c'est un très très beau livre aux éditions Belin, du Roi et l'Oiseau, Voyage au cœur du chef-d'œuvre de Prévert et Grimaud. Et j'ai voulu demander à une voix que vous entendez, que vous aimez tous, de venir un peu nous parler du voyage de ce film, notamment dans les années 50 au Japon, avec Ilan Nguyen. Bonjour Ilan. Bonjour, je pense qu'il y a des gens qui doivent commencer à avoir marre. Hein. Mais non, pas du tout, sinon ils auraient marre de ma voix aussi, ils m'entendent tous les mois, donc tu vois. Qui va nous parler, lui, un peu du voyage, à travers des grands noms de l'animation japonaise. Et puis à eux deux, je leur demanderai aussi, malheureusement, on n'a pas pu avoir un troisième invité qu'on aurait bien aimé avoir, qu'on va réussir à avoir un de ces jours quand même, qui est David Durand, qui est notamment l'un des animateurs d'Ernest et Célestine, et qui est l'une des personnes que j'ai trouvé qui se dit encore justement influencée par l'œuvre de Grimaud, et j'aimerais qu'on parle un peu justement aujourd'hui de l'influence de Grimaud, l'influence du Roi et l'Oiseau aujourd'hui sur la nouvelle génération. Alors je demanderai juste à mes deux invités un petit peu ce qu'ils en pensent, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de toute façon de refaire une émission justement sur Grimaud un peu aujourd'hui, le Roi et l'Oiseau. Et nous avons bien sûr Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi, avec qui on va commencer pour l'agenda, et bien sûr Florentine. Bonjour. Sans qui cette émission, vous le savez, ne serait rien. Donc voilà, c'est bien Bulle de Rêve, c'est bien Radio Libertaire. Au 01 43 71 89 40. Voilà, si vous voulez nous dire qu'on va trop vite, qu'on dit n'importe quoi, enfin, ce genre de choses, n'hésitez surtout pas. Et comme je l'ai dit, surtout restez. Alors, de toute façon, il faut rester dès qu'une émission de Francis Gavel est juste après, parce que de toute façon, rien qu'on a écouté sa voix, c'est forcément un plaisir. Mais en plus, là, il va recevoir des grands noms de l'animation qui sont Stéphanie Lansac et François Leroy, et notamment Hélène Vessière aussi. Donc, ils vont parler d'animation pour le festival de Clermont-Ferrand. Avant de se lancer dans l'agenda, on va faire une petite pause musicale. Déjà, on va retrouver en fait ce qu'on faisait à une époque. On commence avec une pause musicale d'un compositeur. Ah, je voulais juste remercier Catherine Croix, l'attachée de presse des éditions Belin, qui m'a fait parvenir au dernier moment, après plein de moult péripéties, merci postale, ce superbe livre. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup à elle. Et on va écouter un morceau pour revenir, pour tranquillement atterrir. Brizzle Blocks, je suis désolé, prononciation d'un album qui a beaucoup marché l'année dernière, qui s'appelle An Awesome Wave d'Alt J. On écoute ça maintenant, donc c'est la deuxième piste. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Rain down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. My love, my love, my love. She bruises calls, she's blood as pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Francis Antenne, oui, je suis à la mode. De temps à autre, ça m'arrive. Donc, Algie avec Bristle Blocks de An Awesome Wave. Et maintenant, c'est Rémi avec l'agenda. Un agenda qui va être plus long que ce que ça aurait pu être en janvier, parce qu'il ne s'est rien passé en janvier. Très bien, ça tombe bien, parce qu'on n'était pas là. Donc, on va commencer avec le Festival de Clermont-Ferrand, évidemment. Donc, c'est du 1er au 9 février. Ça sera une édition un peu spéciale, parce que ce sera 25e compétition internationale et 35e compétition nationale, avec une rétrospective indienne où il y aura, je crois, un film d'animation, mais aussi une rétrospective qui s'appelle Particule Imaginaire, donc dédiée à l'innovation en termes d'animation et peut-être de prise de vue réelle, mais ça, on s'en fiche. Et un marché du film. Comme on fait Agenda d'AFCA, l'AFCA fait deux choses à Clermont-Ferrand. Donc le 6 février à la salle Grimmel, je crois, de la Maison des Congrès de la Culture, il y a une consultation autour de la fête de l'animation. Donc on peut aller dire ce qu'on est, sur le cas on n'est pas d'accord, sur les choses qui fonctionnent pas. Si on a trouvé que c'était nul, si on a trouvé que c'était bien, si on a trouvé que c'était nul aussi. D'accord, parfait. Et le 7 février, au marché du film, il y aura un stand commun avec l'agence du court-métrage. Très bien. Et donc plein de choses, évidemment. Francis en parlera dans l'heure qui va suivre, de 19h à 20h, dans longtemps je me suis couché de bonne heure. Et donc il en parlera. Et donc plein de choses à Clermont, plein de films français, bien évidemment. Kiki les Montparnasse en avant-première, presque mondiale. Non, c'est pas vrai, il est déjà passé. Mais voilà, avec plein de choses et plein de choses vraiment intéressantes. Et le labo, et bien sûr. Et puis, donc, voilà, on reparlera avec un peu de chance, je l'espère, peut-être dans une consultation ou pourquoi pas, j'espère Ilan sera là. Il n'est pas encore au courant, c'est pour ça que je ne le regarde pas. Vous ne pouvez pas le voir en studio, mais avec, j'aimerais bien avoir 4 personnes vraiment de styles différents, dont Antoine Lopez, c'est pour ça que je parle de ça. Bon, ça sera là, a priori, donc la dernière à Clermont-Ferrand cette année. Bon, on espère qu'il va évidemment continuer dans l'animation, enfin nous aider dans l'animation, et j'aimerais bien faire un petit topo sur tout ce qui se passe dans l'animation depuis 20-30 ans, mais de manière vraiment très, très pratique avec les écoles, par exemple. Vous savez que ça y est, Supinfocom tombe dans le privé quasiment total, dans une filière qui s'appelle Rubica. Donc est-ce que demain les prix vont pas être à 10 000, 12 000 euros, et cette espèce de bulle qu'on est en train de créer autour de l'animation qui va bien sûr bientôt éclater en mettant du sang un peu partout et des tripes. Donc voilà, c'est intéressant, et le de plus en plus de l'angoisse des films de fin d'études. Est-ce qu'on peut toujours avoir autant d'auteurs de courts-métrages aujourd'hui par rapport à la diffusion qu'on nous propose, même si des gens proposent des choses à la Cinémathèque ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Ilan me fait signe qu'il faut que je rende la parole à Rémi. Et pour ceux qui, comme moi, ne pourront pas aller à Clermont-Ferrand, il y aura quand même une reprise du palmarès du festival au Forum des Images le 16 février. Tu y seras, toi, quand même, à Clermont-Ferrand, donc tu nous raconteras. Oui, oui. Au Forum des Images, toujours, il y a les après-midi des enfants, comme d'habitude. On aura mes voisins et Yamada, le 2 février à 15h. Attends, j'ai bien prononcé le nom du réalisateur, Isao Takahata. Bravo. Ah. Et le 6 février, Les Berceuses du Monde d'Elisabetta Scorsese. Ça, je vais pas y arriver. Donc, Elisabetta S. C'est entraîné, hein. Ouais, mais là, c'est un nom d'Europe de l'Est que je ne sais jamais prononcer. Je ne sais même pas, c'est quoi. Je ne sais pas qui c'est. Skvorkos, allez. J'ai presque réussi. Bravo, je ne sais pas qui c'est. Jean-Pierre, ça dit quelque chose, non? Bon, pas personne ne connaît autour de la table. Bah, il faudra aller le voir. Bon, on va y aller. Il y aura Martha Colburn à Paris avec l'association Braquage. Donc, elle fait une tournée européenne en ce moment, et là, elle sera en France pour présenter ses films. Il y aura une séance, plus précisément, le 5 février à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Donc, une quinzaine de ses films seront présentés avec la réalisatrice qui sera là. Et le 6 février, elle fera un atelier d'animation. Ce sera aux ateliers d'artistes, je ne sais pas du tout où c'est, dans le 11e. Et il faut réserver auprès de l'association Braquage. De toute façon, tout ça, comme d'habitude, vous le savez, Rémi représente donc l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. Et donc tout ça est dans l'agenda, ensuite mis en ligne sur le site de l'AFCA.asso.fr. Qui n'est pas encore sorti, mais qui devrait arriver dans les 3 jours qui suivent. Parfait. On en avance. Je vais faire un petit peu dans un autre ordre pour une fois. On va parler des sorties ciné, que en général je fais en dernier. Le 30 janvier, parce qu'il est encore temps. Il y aura Tête en l'air, un film espagnol d'Ignacio Ferraras, avec un monsieur sur l'affiche qui ressemble beaucoup à Dominique Strauss-Kahn. Ça m'a bien fait rire, ça. Le film est Arugas, donc, qui est tiré d'un comics. C'est plutôt intéressant, en fait. Je crois qu'il a plu pas mal. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du graphisme, au niveau de la mise en scène, tout ça est un peu plan-plan. Ce qu'il a plu, c'est parce qu'en effet, on est avec des personnes âgées et qu'on n'est pas dans un personnage âgé qui sert comme dans un film américain, juste de faire valoir, on va dire, un petit garçon pour l'amitié entre les deux. Donc voilà. Et c'est un film qui est intéressant pour ça, qui montre en effet le quotidien des personnes âgées de manière un peu différente dans une maison de retraite. Et toujours le 30 janvier, il y aura un film iranien qui s'appelle Portrait de famille. Je n'ai pas trouvé grand-chose dessus. Peut-être des courts-métrages. Ouais. C'est l'un des grands pays du court-métrage. Je crois que c'est sur les Contes des Mille et Une Nuits, si j'ai bien compris. Bon, intéressant. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Ça ne va pas être très gros. Les concours. Je ne vais pas reparler du Défi Fou qui se termine le 17 février. On en a déjà beaucoup parlé. Par contre, Arte organise un concours avec Court Circuit, émission qui fait toujours une belle part au cinéma d'animation. Ce sera jusqu'au 30 septembre, donc on a le temps, et c'est réservé aux étudiants des écoles d'animation françaises, belges et suisses. Et le concours sera entièrement en ligne. Et entièrement gratuit. Et entièrement gratuit. Vous faites des films uniquement gratuitement pour permettre au site d'Arte d'engranger des clics. Et pour satisfaire nos égos. Ouais, continue. Et un autre concours, toujours de la télé, France 3 cette fois-ci, avec l'émission Libre Cours. Le concours s'appelle Ligne de Cours, et c'est jusqu'au 21 juin, tout genre et toute technique confondue. Mais avec une préférence pour l'animation. Il me semble que Florentine fait une journée porte ouverte à l'Institut Sainte-Geneviève le 2 février. Alors, c'est pas moi qui fais les portes ouvertes, mais effectivement, la DMA Cinéma Animation fait les portes ouvertes. Ah ouais, j'étais impressionné. Oui, bonjour. C'est pas moi. En fait, les écoles d'art parisiennes font leurs portes ouvertes. Il me semble que les Arts Déco aussi, ça sera à peu près les mêmes dates. Puis là, ça y est, super faux. Enfin, voilà. Ruby Camonnet, donc le fait aussi, les SAT, des DMA, c'est ça, les DMA, etc. Et en effet, je serai présente lors de la journée porte ouverte du DMA de Saint-Geneviève. Florentine, en vrai. Si vous voulez que je vous parle de la... Effectivement, vous pouvez venir me voir pour parler de la formation. Donc de 9h30 à 18h. C'est ça. Les lutins des courts-métrages, tiens, ça se déroule en juin, donc je prends beaucoup d'avance, mais on a les nominations pour 2013. Donc il y aura quand même 5 films d'animation. Et c'est pas mal, il y aura Edmond était un âne, Fleuve Rouge Hong Song, dont on aura les deux réalisateurs dans l'émission de Francis Gavel juste après. Ah, bien trop compris. Bien, bravo, bravo. Il y aura Kali le petit vampire, Willy et Tram. Oh, que des surprises. Et on peut d'ores et déjà acheter le coffret DVD pour participer au vote en ligne. Et le sujet qui réjouit ou qui fâche un petit peu... On continue dans les médailles en chocolat données à nos artistes, un peu comme on donnait à l'époque en rentrant des batailles, vous savez. On donnait des médailles comme ça pour le honneur rendu, voilà. Alors, donc, le fameux, en effet, allons-y. Les Césars 2013. Le 22 février. Alors, il y aura des bons films. Il y aura Edmond était un âne, Ernest et Célestine, Kirikou et les hommes et les femmes, Willy et Zarafa. Mais évidemment, ce sera dans une catégorie meilleur film d'animation. Donc, bien à part pour montrer que l'animation, c'est pas pareil, en mélangeant les longs et les courts-métrages. Parce que ça, c'est pareil. Oui. Oui, ça, c'est absolument pareil, visiblement. Donc... Alors, Francis est là, évidemment. Donc, évidemment, c'est un piège pour moi cette année. Il a très bien compris. Il m'a envoyé un SMS rapidement pour me dire « Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire ?» En effet, j'ai l'un de mes amis les plus proches et les plus... Voilà, que j'aime énormément, qui est Franck Dion, qui est nominé. Donc, évidemment, c'est... quelle est ma position ? Est-ce que ça va changer ? Oui, bien sûr. Je suis évidemment ravi pour Franck. Et je lui dis bravo, félicitations. Et aussi, là, encore plus. Et puis, rien que pour le voir à la télé, avec tous les empingouinés là-bas, ça m'amusera de le voir sur place, et je serais évidemment, je suis vraiment ravi que son film, surtout qu'il est nominé aussi pour la même catégorie, donc au Canada, pour les films, donc pour ce qui devait être les anciens Genie Awards, je crois qu'on changeait de nom, et puis voilà, donc je suis évidemment ravi qu'Edmond était un âne fonctionne aussi bien, et voilà, et surfe sur la vague comme ça du talent de Franck, et vraiment bravo. Après, oui, en effet, je reste toujours. Un peu contre, bien sûr, contre ce César. Évidemment, heureusement, ils ont évité celui qui aurait dû l'avoir, l'horrible film de Patrice Lecomte, Le Magasin des Suicides, qui, s'il était passé, l'aurait eu, parce qu'évidemment, personne ne connaît les autres, donc on a dit, oh, bon, on va le donner à Lecomte, donc bravo pour ça. Est-ce que malheureusement, Oslo, parce qu'il y a que tous les gens vont connaître Oslo, vont dire, Kirikou, Oslo, on connaît. Est-ce que malheureusement, Kirikou va l'avoir? Qui c'est qui vote? Allez, Francis, viens. 2 minutes, on a un petit peu plus de temps que prévu. Kirikou, les hommes et les femmes, c'est un beau film, hein. C'est vraiment. C'est vrai aussi, t'as vu ? Ouais. Faut le voir. Je sais pas si tu l'as vu ou pas, mais. J'ai juste vu une séquence à Annecy, okay. Et j'ai trouvé la séquence absolument terrible. Alors, après, pour un peu être entre vous deux, je dirais que la séquence restituée dans le film, puisqu'on l'avait vue à la même séance, puisque c'était en avant-première de l'avant-première d'Ernest et Célestine, restituée dans l'ensemble du film, elle tient. Parce D'accord. que moi, ce que je reprocherais, en étant très content que ce soit plutôt Kirikou qui soit, plutôt qu'un film raté comme Le Jour des Corneilles ou un film ignoble comme Le Magasin des Suicides, que ce soit plutôt Kirikou, même si je commence à trouver que ça devient une franchise, Kirikou. Et donc ça fatigue un petit peu. Après, je suis ravi parce que je me dis, il y a deux films de Didier Brunner, donc producteur avec Les Armateurs, il y a le Kirikou et puis il y a le Ernest et Célestine. Donc Ernest et Célestine, on peut effectivement, pour revenir sur ce que tu dis habituellement, c'est sûr que les deux courts-métrages qui seront présents, ça serait exceptionnel qu'ils aient le César. Déjà l'année où ça devait arriver, je dirais, potentiellement avec Logorama que tout le monde connaissait, c'est même pas arrivé. Et Logorama a pris le César du meilleur court-métrage. L'hystérie complète à la sortie de la cérémonie des Césars des réalisateurs de prise de vue réelle qui disaient « C'est pas possible et tout, rendez-vous compte !» Ce qui fait que cette année, j'ai pas regardé, excuse-moi, mais il n'y a pas du tout donc de 1, on est d'accord, de court-métrage d'animation dans la série. Dans les 5 derniers, il y en avait dans les 12. Voilà, mais il n'y en a pas dans les 5 derniers. Il n'y en a pas dans les 5 derniers. Donc, c'est vrai qu'aussi bien Willy que Edmond était un âne, on peut chance d'être au bout. Après, si au bout c'est un film comme Ernest et Célestine, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la logique de ce César. Et est-ce que la logique de César n'aurait pas été aussi, ça aurait été intéressant d'avoir Ernest et Célestine comme meilleur premier film peut-être? Mais ça c'est possible. Alors, c'était dans un autre monde ? Non. Alors, c'était possible avant qu'il y ait le César de l'animation, mais ce qu'on va reprocher là pour l'animation, là, moi, je sors de la chapelle, je dis, on peut dire la même chose pour le documentaire. Parce que depuis le César du documentaire, les documentaires ne concourent plus pour le César du premier film. Par contre, tout le monde, pourquoi premier film ? Dans ce cas-là, pourquoi pas César du meilleur film ? Bien sûr. Parce qu'ils ont le droit de concourir pour l'ensemble des prix après, en dehors de ce prix spécifique qui est le César du premier film, parce que le règlement interne de l'Académie a changé. Donc voilà, ça après, c'est des histoires de règlement au niveau de l'Académie. Après, pour répondre à ta question, qui vote ? Bah, il y a à peu près 4000 et quelques votants qui sont donc les professionnels de la profession qui ont eu eux-mêmes des Césars ou qui peuvent justifier par rapport à leur parcours professionnel d'un certain nombre de films sur lesquels ils ont travaillé et qui ont été éligibles aux Césars principaux. Qui ne sont pas donc obligés de voir les films, on est d'accord? Bah, on n'est pas obligé de voir les films. Je dirais que quand avant Noël, tu reçois le coffret avec quelques centaines de films, ce n'est pas vraiment une obligation, c'est plutôt un plaisir. Oui, mais ça veut dire que... Après, quelqu'un qui est producteur, quelqu'un qui est acteur, quelqu'un, je sais pas, qui part en Russie parce qu'il doit partir en Russie, par exemple, et ben il va voter quand même, mais il aura rien vu, donc il va voter pour ses potes. Ou il aura pas tout vu. Après, ils savent très bien au niveau de l'Académie que tout le monde voit pas tout, même des gens, je dirais, qui auraient envie d'être sérieux. Même en allant à beaucoup de projections tout au long de l'année, en voyant tous les films qu'il y a dans le coffret, tu vois pas les 400 films qui sont sortis, plus les films étrangers, il faut quand même pas l'oublier, quoi. Merci beaucoup, Francis. De rien. Ce qui nous aide à relativiser la portée de ces prix, les Oscars, les Césars, les trucs mûches, voilà. Tout à fait. On peut refermer cette parenthèse, je pense. Merci, Ilan. Parce que avec un peu de chance, Ilan, je pense, en septembre, prendra l'émission. Rémi, vas-y. Après, pour un jeune âge, j'ai des infos dont je ne vais pas trop développer parce que je pensais que notre prochaine émission serait le 9 et ça sera peut-être un peu plus tard. Donc, je n'ai pas pris tous les détails pour ce qui se passe après le 9 et avant le 15. Il y aura un ciné-concert, Les Aventures du Prince Ahmed. De toute façon, tous les ciné-concerts, c'est Les Aventures du Prince Ahmed, quasiment. C'est vrai. Le 12 février à Ebens. Une carte blanche d'Animage à La Fabrique, le 15 février. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Cellophane, l'association aura une restitution et échange des projets scolaires des écoles d'animation, le 13 février. Et je crois que c'est à peu près... Ah non, il y a une carte blanche, Xavier Takawatopor, le 14 février, dans le cadre de l'écran parallèle, donc à Castille. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais trouvé d'intéressant. Après, il y aura des sorties ciné que je n'ai pas cherchées, Hôtel Transylvanie et Rose et Violette. Et après, j'en parlerai sûrement dans la prochaine émission. Oui, oui. Puis toujours, rappelez-vous, un digest. Wow. De l'agenda de l'AFCA, donc vous pouvez retrouver tout ça dans l'AFCA. Il y a aussi c'est le fan avec Nicolas qui met en avant le travail de Nicolas Ligori avec le petit Paolo notamment. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. On va faire, avant d'avoir une bonne heure et quart, une bonne heure vingt uniquement sur Paul Grimont, on va faire une très légère encore coupure musicale. Donc c'est le morceau numéro 3, encore à la mode, tu vas voir. Donc un groupe s'appelle The XX de leur dernier album qui s'appelle Coexist et s'appelle Angels. On écoute ça et on revient juste après. Breathing was easy if someone believed me. words unspoken, a silent devotion. I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready. As long as you're with me, being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love, love, love. Ouais. Donc, c'était bien de XX, on s'est fait piéger, c'est moi en fait, qui comme d'habitude n'est pas bien Nicolas. Non, on est juste ça, on parlait. Je remercie Fabien. C'est bien d'avoir des auditeurs fidèles comme ça qui nous a offert des véritables gaufrettes de Flandre et qui sont excellentes. Donc merci beaucoup. Merci Fabien. Et puis j'adore faire ce genre de choses parce qu'évidemment ça plombe Ilan qui se dit mais c'est pas vrai, il arrête de faire ces trucs perso. Donc ça m'amuse doublement, bien évidemment, vous me connaissez. Jean-Pierre Pagliano, donc pour Le Roi et l'Oiseau, c'est quand la rencontre avec l'animation, toi ? Bah, c'était relativement précoce parce que j'ai passé mon bac au lycée d'Annecy. Alors Annecy, évidemment, ça évoque certaines choses pour les amateurs d'animation. Donc je peux dire que je suis quand même tombé dans la marmite assez tôt. J'avais aussi un prof de philo cette année-là, c'est-à-dire l'année 61-62. Année scolaire 61-62, qui était très cinéphile et qui m'a filé le virus du cinéma. J'ai été aussi passionné de peinture et d'art graphique très très très très gamin, bien plus tôt. Donc le cinéma et la peinture et le cinéma d'animation offert sur un plateau au printemps, non pas tous les ans comme aujourd'hui, mais tous les deux ans à Annecy à l'époque, ça faisait un mélange très détonnant dans le bon sens du terme, quoi. Et d'ailleurs, j'ai immédiatement monté un ciné-club à cette époque, et je me souviens très bien que, outre les programmes d'animation que je concoctais, je mettais toujours des courts-métrages d'animation en première partie des longs-métrages. Donc c'est venu très tôt, le militantisme pour l'animation. Quoi. Le ciné-club d'Annecy, d'ailleurs, était l'un des plus importants de France à l'époque, c'est bien ça, hein. Voilà, alors moi j'étais à Rumilly, à 18-20 km d'Annecy, j'ai monté le premier ciné-club à Rumilly, tout en profitant des programmes qui par ailleurs existaient à Annecy et ailleurs. La région d'Annecy était une région de cinéphilie militante. Hein. Ton oncle, si je suis bien informé, Alexis, avait un cinébus et parcourait la Haute-Savoie en répandant la culture cinématographique. Donc voilà, tout ça c'est le même mouvement en fait. On était effectivement très actifs dans la région. Tu te rappelles Pardon. Et après... Après, je suis entré à l'université de Grenoble et on avait un ciné-club qui s'appelait le ciné-club universitaire où se trouvaient des gens comme Michel Semeniaco qui était déjà photographe, qui est devenu un des grands photographes français. Il y avait Jean-Louis Boissier. Il y avait des tas de gens qui se retrouvent aujourd'hui. Et alors, très, très peu d'années derrière, il y avait l'actuel patron de la Cinémathèque française qui était lycéen à Grenoble et qui venait s'informer un petit peu de la manière de monter des ciné-clubs et qui venait nous voir au ciné-club universitaire. Voilà un peu comment tout a démarré. Et puis alors ma rencontre avec Paul Grimaud. Alors excuse-moi, oui. On va parler évidemment de ta rencontre avec Paul Grimaud qui est importante. Juste donc l'importance de ces ciné-clubs. Mais est-ce que tu te rappelles du premier choc visuel d'un film d'animation vu à Annecy, vu le premier où tu t'es dit là il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus important, enfin qui révèle et qui décèle beaucoup de choses importantes dans cet art. Est-ce que tu te rappelles d'un film ? Le premier plan, le premier film, etc. Peut-être pas, mais les premières rencontres, oui, c'est McLaren et Alexeïev. Donc voilà, c'est ça. Dont j'ai serré la main à Annecy et avec qui j'ai discuté un peu, bien sûr. Je me souviens aussi d'une projection à laquelle j'ai assisté à côté de Jiří Trnka. Voilà, les gens qu'on rencontrait à Annecy dans les années 60, vous voyez. Alors comment veux-tu que ça ne façonne pas un goût particulier pour l'œuvre de ces gens-là ? La rencontre était un petit peu plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement énorme. Ah ici, oui, ça n'avait rien à voir. Ouais. C'était au théâtre sur le Paquier, hein, en face de l'actuelle banlieue qui n'existait pas. Et c'était très familial. Il y a des photos d'ailleurs, hein. Il y a des archives très très importantes, des archives photographiques très importantes qui sont publiées de temps en temps, où on voit par exemple le jury embarqué dans un petit bateau pour aller se réunir de l'autre côté du lac, ou pour des pique-niques. Il y avait des pique-niques où tous les invités en un quart ou en deux quarts, tous les invités pouvaient être embarqués dans la montagne pour pique-niquer. Enfin, ça n'avait rien à voir. Et c'était passionnant de rencontrer tout le monde. Il y avait Chuck Jones aussi, je me souviens très bien de la rencontre avec Chuck Jones. Il faut vraiment espérer qu'un jour un éditeur fasse confiance à, et puis quelqu'un veuille bien évidemment éditer un livre sur toute cette aventure d'Annecy partant de Cannes, et ça serait quand même assez passionnant d'avoir toutes ces photos. Il y a eu l'embryon de ça quand même pour le 50e anniversaire, quelques échos comme ça, non, le livre était malheureusement témoignages, mais il y a eu cette exposition au musée Château effectivement. Oui, voilà, mais qui aurait mérité un livre largement plus intéressant que le livre qu'on est malheureusement sorti, qui était mais ça ne remplace très moyen effectivement cette idée là mais bon, il y a quelques témoignages, disons. Déjà. Et donc la rencontre, en effet, avec Grimaud, alors ? Alors c'est beaucoup plus tard, c'est après que je me sois installé à Paris. C'est en 79 que j'ai rendu visite à Paul Grimaud dans son studio atelier de la rue Bobillot. Et il venait de terminer L'Oie et l'Oiseau. Donc c'est une date importante, une date charnière. Je peux être sûr qu'il venait de le terminer, puisqu'il y avait encore... dans son studio, Émile Bourget, l'assistant réalisateur, et Lionel Charpie, l'assistant décorateur. Et ces trois-là, comme je le raconte d'ailleurs dans le bonus du DVD, manifestement n'arrivaient pas à se séparer. Ils n'avaient pas du tout envie. Donc ils faisaient semblant de bricoler un peu, de mettre un peu d'ordre dans le studio. Et en fait, c'était pour rester ensemble, pour prolonger l'aventure. Toi, tu y allais pour quel... Alors j'y allais pour interviewer Paul Grimaud sur son ami de jeunesse, Jacques Bernard Brunius, sur lequel je faisais ma thèse, et c'est devenu deux livres aux éditions L'Âge d'Homme. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que les deux éditeurs, j'ai eu d'autres éditeurs, Le Seuil, etc., mais deux de mes éditeurs se trouvent dans la même rue Férou, à Saint-Sulpice, à un bout L'Âge d'Homme pour Brunius et à l'autre bout Belin. Pour Grimaud, pour Le Roi et l'Oiseau. Entre parenthèses, j'ai peur d'oublier, Belin, je ne sais pas si vous le savez, est la plus vieille maison d'édition indépendante de France, qui est restée dans la famille. Non seulement c'est une maison indépendante qui est restée indépendante, qui n'a jamais fait partie de ces grands groupes, hein, de plus en plus importants, et qui écrasent de plus en plus l'édition française, mais la maison est restée dans la même famille. Voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à eux quand j'ai voulu publier mon livre, et ils l'ont accepté dans enthousiasme et tout. Oui, sans problème, ça a été... Donc c'est vraiment... Et en plus, ils ont tout fait pour que ce soit un beau livre. Ça, on pourra en reparler. Oui, on va en reparler. Oui, il est magnifique, bien sûr. Oui. Voilà, donc j'ai un petit peu extrapolé. On était partis de cette rencontre et de l'interview de Paul sur Jacques Brunius, qu'il avait beaucoup aimé. Brunius était un ami des frères Prévert, et comme Grimaud, évidemment, était un membre éminent de la bande à Prévert, il avait plein de choses à raconter aussi sur Brunius. Je sais que c'est une question qui est impossible à répondre ne serait-ce que quelques instants. On a dit qu'il faudrait faire une émission complète. C'est... Quand on entend parler de Paul Grimaud dans Petit Monde de l'Animation, c'est vrai que c'est quelqu'un, donc, on a cette image de la personne qui était le passeur. On pouvait rentrer dans son studio, puis il disait, tu travailles, tu balayeras. Enfin, tous les gens qui racontent ça, de la Guillonie... Ça n'est pas du tout une légende, c'est tout à fait vrai. Si vous aviez connu le personnage, ce grand type chaleureux avec une bonne grosse bouille, des grosses mains de travailleurs manuels qui faisaient des choses exquisement délicates. Et cette chaleur humaine, D'ailleurs, j'ai eu qu'une envie, c'est retourner le voir. Et pour lui, cette fois, plus seulement pour Brunius. Et pour son 80e anniversaire, comme il était né en 1905, c'est facile de retenir, c'est en 85, je lui ai proposé en 85 de faire une série d'entretiens pour France Culture. Il a accepté tout de suite, et c'est autour de ces entretiens que j'ai composé mon premier bouquin sur lui, qui a été publié donc l'année suivante, en 86. L'édition que tu as là, c'est la réédition 10 ans plus tard, d'accord, en 96, dans la maison fondée par Thierry Steff entre-temps, et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Il faut dire que c'était très audacieux, cette idée de monter une maison d'édition entièrement vouée au cinéma d'animation. Mais la première édition, c'était chez L'Herminier. Alors L'Herminier, pour les gens de ma génération, évidemment, c'est presque synonyme d'édition de livres sur le cinéma, puisque c'est lui qui dirigeait chez Segers la petite collection, vous savez, le même format, la même maquette que les livres sur les poètes, qui existent toujours. Là, c'était sur les chanteurs aussi. Il y avait les cinéastes, mais il y avait les poètes, effectivement, qui s'est décliné aussi en chanteur-poète, à commencer par Brassens et Ferré. Et donc, il y a des choses qui ont mal loin, donc, hein, le livre sur Paul Grimaud, vous pouvez trouver, on l'a dit un petit peu sur Internet, on peut réussir à trouver aussi. Oui, les deux éditions de mon Paul Grimaud sont épuisées. Voilà, j'ai pas ramené le catalogue non plus. Encore sur Internet. Il y a le catalogue qu'on peut essayer de trouver, que moi j'ai récupéré le catalogue de la grande exposition du Palais de Tokyo de 91-92, l'hiver 91-92. Oui, c'est aussi un bel objet. Alors, je fais passer le livre, le passer aussi à Nicolas qui jette un petit coup d'œil, parce que c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, un très très beau livre, très très bel objet. Cette fois, tu parles de Le Roi et l'Oiseau. Du Roi et l'Oiseau. Aux éditions Belin. Tout à fait, parce que les autres ne sont pas disponibles, sauf difficilement, on l'a dit, donc je passe vraiment celui qui est pour l'instant disponible. Est-ce qu'il a une place particulière, Paul Grimaud, parce que... du fait qu'il fasse vraiment du dessin animé, alors que c'est une époque où Ladislas Sarevitch a fait du volume, il va mettre en place vraiment là une manière de tourner qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire Saru, et je ne sais pas si lui d'ailleurs va partir aux États-Unis visiter les... C'est Saru uniquement qui est visité. Mais puisque tu as commencé par demander s'il avait une place particulière, et la première idée que j'ai à ce sujet, toujours en repensant au bonhomme, à l'homme qu'il était, c'est de te dire qu'effectivement il avait une place particulière dans le monde de l'art en général. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui faisait de l'animation, si tu veux. Il faisait de la musique aussi. Il faisait du théâtre. Avec le groupe Octobre, dès les années 30, il a participé au premier sketch publicitaire filmé avec son ami Jean Orange. C'est quelqu'un qui se trouvait très naturellement, comme ça, sans aucune idée de carrière, au carrefour des arts. Hein, il était quand même un des meilleurs amis d'Henri Crolla, le grand guitariste de jazz, et un très bon copain de Django Reinhardt. Lui-même grattait la guitare et le banjo, et très bien. Hein. Il avait, quand j'allais le voir, que je passais des après-midi entières dans son studio, ça se terminait de la façon suivante. Il décrochait le banjo qu'il avait toujours au mur de son studio, et il me faisait du New Orleans, ou des chansons 1900 qu'il adorait aussi. Enfin, c'était très joyeux, très musical. Et il avait des amitiés chez les peintres. C'était un grand ami d'André Derain, par exemple, et un des grands souvenirs de Grimaud, j'adore raconter ça parce que c'est tout à fait authentique. Parfois, il racontait des trucs, on se demandait si c'était vrai, tellement c'était beau, mais Picasso lui rend visite un jour et lui pique un dessin du petit soldat en lui disant « Celui-là, tu me les donnes !» Et on pouvait pas négocier avec Picasso, d'autant plus que Grimaud était fier comme un pou, quoi. C'est la plus belle décoration qu'il ait jamais eue, lui qui était contre les décorations. Ça, c'est une qu'il ne pouvait pas refuser. Il y a deux belles apparitions aussi dans les films de Tati. Est-ce que c'était une véritable amitié avec Jacques Tati? Il était très copain avec Jacques Tati, bien sûr. Dans Mon Oncle, hein. La première vocation de Grimaud, c'était pas tellement de faire du dessin animé. C'est Pierre Prévert qui lui a donné l'idée. En 1935, dans très peu de temps avant qu'il fonde les Gémeaux avec Saru, hein, puisque c'est en 1936, sa première vocation, c'était le cinéma burlesque. Soit comme acteur, soit comme réalisateur, il avait une passion pour les grands burlesques américains, et il est devenu très naturellement très copain avec Jacques Tati. D'ailleurs, Jacques Tati, à un moment, parce que ça, c'est une carrière difficile aussi pour Tati, hein, ils avaient ça en commun aussi, ils en ont bavé, ils avaient plus de projets de films que de films réalisé. Ah oui, absolument. D'ailleurs, même physiquement, il y a des photos de Paul Grimaud jeune où on pourrait le prendre pour Tati. Il y en a une notamment dans mon précédent bouquin, là, dans l'édition chez Dreamland du Paul Grimaud. Jacques Tati, à un moment, est venu voir Grimaud. Ils ont d'ailleurs failli se fâcher après cette histoire, parce qu'il voulait être gagman pour Paul Grimaud. Quand Tati n'avait pas beaucoup de grain à moudre, il a demandé à Grimaud s'il ne pouvait pas l'engager comme gagman. Ce qui était évidemment une double erreur. D'abord, comme lui a répondu Grimaud, il n'avait pas les moyens de se payer un gagman. Et d'autre part, son cinéma reposait si peu sur le gag, contrairement à Tati, hein, encore qu'il n'y a pas que ça dans les films de Tati, bien sûr. Mais chez Grimaud, c'est ce qu'il distinguait déjà radicalement du cartoon, c'est que ses dessins animés, dès les courts-métrages, ne reposaient pas sur le gag, mais plutôt sur un univers poétique. Les critiques, d'ailleurs, de la sortie de la Bergère Meneur sont intéressantes quand on les lit dans le livre, donc là, du Roi et l'Oiseau, où en effet, certains qui critiquent disent « Oui, mais il n'y a pas assez de gag, c'est pas suffisamment drôle. » C'est ça, parce qu'on jugeait les films de Grimaud à l'aune des cartoons, quoi. Ouais. Et évidemment, c'était autre chose qu'il proposait. Pourquoi on connaît plus aujourd'hui ? Est-ce que le Royal Oiseau est presque trop imposant par rapport à finalement, et on connaît assez peu les courts-métrages, enfin, je dis on connaît assez peu, peut-être pas dans le petit milieu de l'animation, mais finalement on connaît énormément le Royal Oiseau, et malheureusement assez peu les courts-métrages. Est-ce que tu penses qu'il y a... Justement, c'était quelque chose qui l'inquiétait beaucoup, Paul, à la fin de sa vie. Il s'inquiétait pour l'avenir de ses courts-métrages, parce que c'était un moment où l'âge d'or du court-métrage était révolu depuis longtemps, hein. Moi, j'ai connu l'époque où on allait au cinéma voir un film, et on avait deux courts-métrages, et souvent un dessin animé en première partie de programme. Et alors là, c'était bien évidemment pour les auteurs de courts-métrages comme lui, puisqu'il a fait plus de courts-métrages évidemment que de longs. À son époque, c'était héroïque de faire un long-métrage en animation. Et il s'est dit à la fin de sa vie, il faut que je rassemble mes courts dans un long, hein, dans ce que les Anglais ou les Américains appellent « omnibus film ». Pour que les gens les voient et pour que ces courts-métrages soient sauvés. Donc c'était l'occasion pour lui de les restaurer et de les associer. Alors ça, c'est la table tournante. Oui, donc on pourrait réaliser parler avec Jacques Demy, si on pourrait, voilà, c'est ça qui est beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Ouais. Moi, j'ai vu Jacques Demy à Bobillot à l'époque, quand il venait préparer avec Paul Grimaud la table tournante. Il y a eu beaucoup de pubs aussi, il y a eu pas mal de choses. Est-ce que tu disais que c'était pas forcément... Est-ce que réalisateur, c'est quelque chose qui le... Est-ce qu'il se disait réalisateur ? Encore une fois, on a tellement l'impression d'un personnage, comme tu le dis, qui travaille, qui fait son artisanat, dans le très beau sens du terme, évidemment, qu'il n'a pas de... Je sais pas, il n'y a pas cette envie de mettre un nom forcément derrière ce que lui, hein, je ne parle pas de ce que nous on pourrait dire. Les artisans ont une spécialité. Hein. Mmh. Et lui, il l'a dit d'ailleurs, ce n'est pas tellement l'animation, ce n'était pas sa partie forte. Enfin, je veux dire, il ne se voyait pas animateur. Par contre, il avait parmi ses talents celui de détecter le talent des autres. Et il savait s'entourer de gens qui au départ étaient aussi novices que lui. Hein, dans les années 36, par exemple, 36, 37, 38, ils ont fait leur premier essais et les animateurs découvraient, à part Virma de Kish, qui avait un peu d'expérience, les autres, si doués fussent-ils, étaient des débutants. Il a mis le pied à l'étrier à Henri Lacam, qui est un des très très grands animateurs français, parce qu'il devinait son talent, mais il a fallu qu'il en donne des preuves, mais ces preuves sont venues petit à petit. Ils ont appris ensemble, si tu veux. Donc, ils se voyaient mieux comme réalisateurs dans tous les aspects, c'est-à-dire à la fois comme chef d'équipe, un chef à la fois débonnaire, mais qui gardait son cap et qui savait tenir une équipe, et qui savait surtout très bien s'entourer, composer une équipe, et réalisateur aussi comme metteur en scène, car c'est un grand metteur en scène. Et dans cette envie de raconter les histoires, est-ce que d'ailleurs Jean-François Laguioni n'est pas presque le descendant, presque le plus évident, dans cette idée de vouloir raconter justement des histoires et d'être au-delà uniquement du médium. Je parle de Laguioni au moment où je prononce l'expression mise en scène, parce que Laguioni dit volontiers, pendant longtemps, quand on me parlait de Paul Grimaud, je disais oui, j'ai une dette envers Paul Grimaud, mais il était incapable de définir cette dette. Maintenant, il en est très conscient, c'est l'art de la mise en scène. Grimaud lui a appris l'importance et l'art de la mise en scène. C'est pour ça que j'en veux un petit peu à mon ami... Jean Sifianos, qui vient de publier un livre intéressant sur l'esthétique du dessin animé. Ah, le livre est sorti. Un peu de livres sur l'esthétique du dessin animé. Oui, le livre est sorti chez un éditeur catholique qui s'appelle Les Éditions du Cerf. On parlait tout à l'heure des collections. C'est le premier, absolument. C'est la seule collection qui existe depuis mes toutes jeunes années de cinéphilie, puisque c'est la collection 7e art, qui a changé de format, qui a grandi. Mais c'est une collection mythique, hein, des petits livres qu'on a tous connus avec les recueils de textes de Bazin, etc. Et Sifianos, donc, chez cet éditeur et dans cette collection, a grandi. Agrandi en un seul mot, format agrandi, vient de publier donc l'esthétique du cinéma d'animation. Et de sa thèse, n'est-ce pas ? C'est une thèse, oui, d'ailleurs, c'est un, parlé ici, un, hein, livre, ouais, qui, un livre qui sort en octobre, qui est sorti en octobre 2012, mais qui pour l'essentiel a été écrit en 88. C'est une thèse qui a été soutenue à Paris 1 Sorbonne en 88. Donc, mais c'est pas cet aspect-là que je veux mettre en évidence, simplement que Paul Grimaud, pour lui, n'existe pas. C'est quand même un peu fort. Le nom de Grimaud n'est pas cité ni dans le corps du livre, ni dans l'index. car il a fait, c'est un faux index puisque ça ne renvoie pas à la pagination du livre, mais c'est tout de même le recueil des films cités. Il n'y a aucun film de Grimaud, ni court ni long, et son nom même n'est pas cité, alors que il appartient évidemment à l'esthétique, pas seulement à l'histoire de l'animation, mais la mise en scène, ça fait partie de l'esthétique. Là, il y a quelque chose de très important, je pense, et qui nous ramène à d'autres problèmes, je pense, plus larges. Moi, je constate le même problème dans d'autres latitudes, hein, que ce soit au Japon. Il y a, chez les gens qui étudient l'esthétique du cinéma d'animation, et dans une optique qui se veut un petit peu puriste, une sorte de... je ne sais pas si ce sont des œillères, mais il y a une sorte d'aveuglement qui leur fait évacuer effectivement toute une partie de la production animée sous prétexte qu'on dit voilà, finalement, Grimaud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait autre chose que Disney. Et on résume à ça, sans se rendre compte à quel point c'est une observation d'une stupidité terrible. On peut dire que n'importe qui en dehors de Disney, ou que Nordstein fait autre chose que Disney aussi. On voit à quel point, à quel degré d'aveuglement on est, à quel point de myopie on se situe. Il y a pire que ça encore. On va pas chercher plus loin. C'est déjà pas brillant de dire il a fait autre chose que Disney et de se contenter de ça. Mais ce qui serait pire, c'est de dire il a fait la même chose que Disney sous prétexte qu'il a utilisé la même technique, alors que l'esthétique est complètement différente et l'esprit encore plus. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de Grimaud, il y a un certain nombre de cinéastes russes, il y a tout un tas de gens qui ont travaillé dans le dessin animé sur Cellulo. Effectivement, je pense, je subodore qu'ils n'ont pas non plus cité dans le livre de Georges ça, parce que effectivement, d'un point de vue qu'il tient, je pense qu'il n'a pas été cherché de ce côté-là. Bon, on en revient à exactement ce qui se passe depuis, ce qu'on sait depuis des années, c'est que souvent les gens qui viennent de qui travaillent l'histoire et qui sont finalement de l'animation sont souvent des passionnés et pas des historiens qui ont une à part peut-être toi Ilan, mais même toi, et que finalement on a très peu de gens qui sont des vrais historiens, qui ont un travail d'historien, qui savent aller rechercher dans les archives. Moi le premier, hein, je suis juste entre guillemets, et c'est comme ça, un passionné avec toutes les lacunes qu'il peut y avoir. Oui, mais là, dans le cas de Georges Sifianos, il ne s'agit pas d'une lacune. Quand je dis il ignore Paul Grimaud, il l'ignore volontairement. On ne peut pas imaginer une seconde qu'il n'a pas vu les films de Grimaud. Mais on comprend bien, Ilan évoquait le type d'animation qui l'intéresse. On voit bien, moi-même, je citais McLaren et Alexeïev. Ce sont deux des grands créateurs qu'il analyse de fond en comble dans son bouquin. Est-ce qu'il cite Disney ? Pardon ? Est-ce qu'il cite Disney, justement, dans son livre ? Il le cite, oui. Ouais. Il le cite, comme il cite le cartoon, mais sans s'y attarder. Voilà, donc... presque comme un repoussoir, enfin. C'est tellement plus facile et plus excitant, peut-être, en tout cas, pour les gens qui adoptent sa démarche, d'analyser l'écran d'épingle ou l'animation directe. En même temps, c'est quelque chose qui est générationnel. Les critiques qui ont écrit sur l'animation autrefois n'était pas dans ce carcan-là. André Martin, lorsqu'il écrit, qui a analysé aussi McLaren, qui a publié les textes les plus intéressants sur McLaren ou sur Alexeïev, a une animation qui est très claire à la fois pour des gens comme Tonka et à la fois pour Grimaud. Il dit voilà, la leçon. Martin est assez particulier pour ça. Hein. Son éventail de curiosité. Il n'exclut personne. Est assez remarquable. Mais c'est presque un cas particulier. On ne pourrait pas, à la même époque que Martin, par exemple, il y avait Benayoun. Benayoun ne s'intéressait pas particulièrement à Grimaud. Il le citait, etc. Mais on voyait bien. Alors lui, c'est le contraire. Lui, c'est une. Enfin, c'est pas le contraire, mais c'est encore un autre champ de recherche. C'est l'animation surréaliste. Et il annexe évidemment au surréalisme des gens comme Tex Avery ou Chuck Jones. Et il a bien raison. Et c'est Borowczyk, etc. Donc c'est ça qui intéresse Benayoun. C'est encore une autre démarche. D'où l'importance, on va juste après faire une pause musicale, on va revenir, d'où l'importance d'avoir aussi sauf là quand il s'agit d'une œuvre, mais d'avoir aussi des livres collectifs, des livres avec des gens, avec des voix différentes, par exemple. Ce qu'on fait malheureusement assez peu en France, il y a un livre, par exemple, il y a des livres très intéressants aux États-Unis avec des gens, alors ça demande réflexion, mais avec finalement, peut-être ce qui va se passer pour le Bandazzi, le nouveau Bandazzi, où visiblement, hein, il a fait appel à plusieurs personnes, et ça va être intéressant de voir finalement c'est cette multiplicité. Ce qu'on regrette finalement ici, c'est et ce n'est pas pour défendre Georges Sifianos parce qu'il n'est pas là, donc, mais c'est qu'il n'y a malheureusement pas un autre livre en face finalement du livre de Georges Sifianos sur l'esthétique du cinéma, prenant un autre biais, et c'est en fait le manque de livres qu'on a aussi pour se parler finalement et discuter les uns entre les autres. Et finalement, on peut discuter de livre finalement. À livre, hein, c'est pas forcément. C'est pour ça, sauf qu'on ne le fait pas. Sauf qu'il n'y a pas d'édition. Oui. Sauf qu'il n'y a pas d'édition en France. Un peu quand même. Il n'y a pas d'édition de cinéma, on peut dire, par rapport aujourd'hui, à l'époque qu'on évoquait tout à l'heure. Non. Là, il y avait un certain nombre de. Dans les années 60, il y avait un certain nombre de collections de cinéma auxquelles on se référait et dans lesquelles on pouvait publier. Aujourd'hui, il n'y a pas. À ma connaissance, à part un peu les cahiers du cinéma, ce qu'il en reste, qui a gardé une collection. Mais Positif essaye aussi de faire une collection à partir des textes publiés dans la revue. Mais enfin, c'est pas comparable aux grandes collections, Seger, ces éditions du Cerf, etc., etc. Les éditions du Cerf sont les seules, à mon avis, à maintenir à peu près ce cap-là, mais d'une façon un peu pauvrette, quoi. Donc on est d'accord. Ça n'a rien du luxe que m'a offert Belin l'édition de Mon Roi et l'Oiseau. Donc on est d'accord, Jean-Pierre. Aujourd'hui, il n'y a pas de livres, il y a très peu de livres. Aujourd'hui, par exemple, je le répète à chaque fois à ce micro, il n'y a aucune histoire du cinéma d'animation écrite en français, disponible aujourd'hui en édition, en librairie, si vous voulez aller voir. Aucune. Alors, s'il y a. Oui, alors c'est à la suite de la faillite de l'édition de la maison de Thierry Steff. Oui, c'est un petit peu inquiétant. Parce qu'il y avait Olivier Cotte quand même. Oui, mais c'est un peu. À peu près en même temps que avec la réédition de Paul Grimaud. Avec comme Baldazzi, toutes les erreurs. Il y avait un peu cette ambition-là. Oui, avec toutes les erreurs comme le Baldazzi qu'il peut y avoir, notamment sur le Japon par exemple, ou sur ce genre de choses. Ce que je veux dire, si tu parles d'histoire du cinéma en général, on pense au grand classique Georges Sadoul. Tu sais, il y a énormément d'erreurs d'appréciation. Oui, sauf qu'il y en a plein, encore une fois. Donc il y en a plein sur lesquels on peut recopier. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut travailler l'histoire peut très bien aller. C'est un peu là, quand même, la problématique, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y a pas énormément de livres. C'est qui cache l'absence de forêt, c'est ça en gros. C'est un petit peu ça, merci. On va faire une pause donc, après cette belle phrase de Dylan. Alors, c'est là où on va. Je t'ai fait passer la 1, la 2, la 3, donc on en est à la 4 normalement. Génial. On va écouter. Alexis Huneau s'adresse à la cabine. Oui, mais toujours. Ah, mais ils connaissent par cœur. Les gens qui écoutent savent très bien que Nicolas. Il y a toujours de nouveaux auditeurs. Très, très, très important. Voilà. En fait, on va passer donc le fichier 4 qui doit faire 3 minutes 33. De bonne heure. Et le fichier 5 juste après, dont on n'écoutera pas complètement en entier. Je te dirai à un moment donné d'arrêter. Et le fichier, donc cette nouvelle coupure musicale est encore de XX de leur album Coexiste. Et c'est Missing. On écoute maintenant de suite et on revient après pour parler de Paul Grimaud et du Roi l'Oiseau. Tu es la plus gentille ramonnière que j'ai jamais connue. Tu es la plus jolie bergère que j'ai jamais vue. Is beating in a different way. Been gone such a long time, and I feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. Will you miss me? Such a long time, I feel the same. such a long time, I don't feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. Tu es la plus jolie bergère que j'ai jamais vue. Tu en as vu beaucoup d'autres? Non, je n'en ai même pas rêvé. Oui, Jean, ma vieille expérience. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. D'abord, vous n'avez pas la même couleur. Une bergère et un ramoneur. Mais pas question. Pas question. Petite bergère, et je suis le roi. Alors, ne perdez pas votre temps avec ce charbonnier. Je suis le roi, je vous aime. Devons marier. Chose est claire, il n'y a pas à hésiter. N'est-ce pas? C'est l'évidence même. D'ailleurs, c'est écrit dans les livres. Les bergères épousent les rois. Discussion. Oh, je décide. Le mariage aura lieu ici même, dès ce soir, quand selon les 12 coups de minuit, j'ai dit. Donc vous avez tous reconnu, vous êtes bien Bulle de Rêve, Radio Libertaire 89.4, toujours les. Le numéro du studio, ça devient du haut entre nous, vas-y. 01 43 71 89 40. Voilà, si vous voyez, vous avez bien entendu, vous avez bien reconnu le roi et l'oiseau. Donc un passage que j'aime moi particulièrement. Un texte de Jacques Prévert à Radio Libertaire, ça s'impose. Hein. Ah, c'est un petit peu normal. De toute façon, le roi et l'oiseau s'impose, c'est évident que c'est un film que je pense une grande partie des auditeurs ont vu de toute façon. Moi, ça m'amuse toujours quand donc je fais une comme ça, comme je dis, une histoire du cinéma en 3-4 heures, dans les conférences, des choses comme ça. Et d'un seul coup, dès que je mets, donc il y a plein de choses que les gens connaissent pas forcément, et dès que je mets en effet une image du roi l'oiseau, je dis oui, ça c'est le moment donné où enfin, tout le monde fait ah, parce qu'ils reconnaissent enfin une image, ils disent ça je connais, je sais ce que c'est. C'est impressionnant aujourd'hui, en effet, c'est pas uniquement parce que c'est le premier dessin animé, long métrage dessin animé français, c'est quoi? C'est cette alchimie parfaite entre Prévert, Grimaud, musique une très belle musique aussi. Enfin, tu permets, historien du cinéma d'animation, que je te reprenne sur ta première assertion. Bien sûr, avec plaisir. Ça, je ne suis pas l'historien en plus. Premier dessin animé français, puisque un certain Jean Image a précédé sur les écrans Paul Grimaud, Jeannot l'Intrépide. Je raconte ça au début de mon bouquin, que contrairement à la légende, André Sarru, le producteur, et Paul Grimaud, le cofondateur donc de la société Les Gémeaux en 36, lorsqu'ils ont mis en chantier le film, c'est-à-dire dans l'immédiate après-guerre, hein, les premiers dessins datant de 44, et vraiment le début du travail à partir de 45 et l'animation 47, etc. Leur ambition, c'était de sortir le premier long métrage en dessin animé, c'est vrai. Mais à cause de tout ce que je raconte en détail dans le bouquin, toutes les difficultés qui se sont accumulées, à commencer par un budget sous-estimé, précisément parce qu'il n'y avait pas d'antécédent en France. Ils se sont fait coiffer sur le poteau par un film beaucoup moins ambitieux et fabriqué beaucoup plus vite, qui est le film de Jean Image, Jean-Noël l'Intrépide. Oui. Donc, ça n'est pas le premier long métrage sorti. Le premier long métrage en dessin animé mis en chantier, oui, c'est vrai. Là, je ferme cette longue parenthèse. Non, mais évidemment, qui est très important. Dans un souci de précision historique. Tu as tout à fait raison. Comment se passe la mise en chantier du film? Est-ce que Grimaud a de suite envie de faire un long métrage? C'est quelque chose qui est une évidence pour lui, ou est-ce que... Le contexte, c'est que il venait avec Jacques Prévert, où ils étaient en train de finir un chef-d'œuvre du court-métrage qui est Le Petit Soldat, déjà tiré d'un conte d'Andersen. Hein. Et d'ailleurs, on a une lettre que j'ai publiée dans mon livre sur Paul Grimaud, la deuxième édition, là, chez Dreamland, une lettre illustrée par Paul Grimaud quand il écrivait à Prévert, et il illustrait de dessins superbes. Et là, c'était un mot pour lui dire qu'il était en train de terminer Le Petit Soldat, et il demande à Prévert où il en est de son scénario et de ses dialogues. Donc à l'époque, la bergère chevauchait Le Petit Soldat. Hein. La bergère était largement mise en chantier alors que le Petit Soldat se terminait. Ça, c'est déjà une réponse à ta question, c'est-à-dire que le court-métrage est à la fois un chef-d'œuvre parfaitement abouti et en même temps une sorte de matrice du long-métrage. Puisqu'on retrouve les trois personnages centraux dans le long métrage. Et alors évidemment, il va y avoir, et ça Prévert le faisait admirablement, plein de personnages secondaires, plein de thèmes annexes. On va passer de la musique de chambre à la symphonie, en gros. Mais dans la même inspiration et avec les mêmes racines anderséniennes. Ilan, tu voulais dire quelque chose? Non, du coup, c'est vrai que vous l'expliquez bien dans le livre. On pourrait penser, parce que la rencontre entre Grimaud et Prévert est dans le parcours de Grimaud un tournant majeur, évidemment. Quand on compare effectivement à ses films précédents avec les films qu'il a fait avec Prévert, c'est tout à fait autre chose. On en retire l'impression que finalement cette rencontre, jusqu'à présent on pensait effectivement c'est Le Petit Soldat d'abord et ensuite le long métrage, ce très grand virage, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus mêlées et que cette rencontre n'est pas une rencontre passant d'abord par un court métrage ensuite par un long, mais que les deux formats sont mêlés en quelque sorte, c'est-à-dire que ce virage il passe aussi par cette comparaison que vous venez de faire, qui est très, très parlant, je trouve, entre la musique de chambre et la musique symphonique. La longueur des pièces aussi est en jeu dans ce genre de comparaison. Je pense que comme ils étaient très contents du Petit Soldat, ça leur a donné confiance aussi, hein, pour s'embarquer dans cette énorme aventure. Et aujourd'hui, dans la première partie de l'émission, vous parliez les uns et les autres de l'actualité ou des films à venir. Et là-dedans, il y a beaucoup de longs métrages. C'était inimaginable, mais il y a encore pas si longtemps. On a tous connu cette époque où mettre en chantier un long métrage en animation en France, ça relevait de l'épopée et de l'exploit. C'est au tournant du 21e siècle que les choses se sont à la toute fin du 20e, avec Kirikou, avec Chaumet aussi. Bien sûr, le Roi et l'Oiseau. Voilà. Bon, mais à l'époque de Grimaud, d'ailleurs, à la fin de sa vie, Paul était très pessimiste sur l'avenir de l'animation en France. Il ne croyait plus au court métrage. N'y croyait plus professionnellement, je veux dire. Il voyait que pour le long, ça, il a pas connu, lui, cet épanouissement, cette vogue du long métrage, il l'a pas connu. Donc pour lui, il comprenait malheureusement que tous ces jeunes qui venaient taper à sa porte avant s'expatrient. Il vivait ça très douloureusement, mais il le comprenait, qu'ils aillent vers des grands studios britanniques ou américains. Il en souffrait, mais il était bien obligé de reconnaître que, du moins c'est ce qu'il pensait, à l'époque il n'y avait pas d'avenir pour l'animation en France. Ça a changé très peu de temps après sa mort, puisqu'il est mort en 94. Hein. C'est vraiment malheureux qu'il ait... Très peu de temps après, oui, malheureusement. Ce qui est intéressant, Ilan le disait dans le livre, c'est qu'en effet, c'est une vraie remise en perspective. En effet, je parle par exemple de contrats, fait par justement avec Prévert, montrant que il avait en effet travaillé avant ce qu'on pensait finalement le scénario, et donc il y a tout un travail. Ça c'est assez passionnant dans le livre. Ils ont commencé cette remise par finalement. Hasard, hein, cette collaboration est née d'une grande amitié d'abord parce qu'ils étaient très très amis. Franju m'a dit, m'a confirmé, parce que Franju était très copain avec les deux. Il m'a dit mais tout le monde se dit ami de Jacques Prévert, mais le meilleur ami de Jacques Prévert c'était Paul Grimaud. mot. C'était une amitié qui allait de soi, et ça allait tellement de soi qu'il n'envisageait même pas de collaborer pour travailler. Il se marrait beaucoup plus à parcourir Paris, à picoler dans les bistrots des copains. Ils avaient leurs adresses, ils avaient leur cantine, ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils allaient voir d'autres potes. Mais c'est un peu par hasard que Paul Grimaud a demandé à Jacques Prévert de mettre son grain de sel sur son storyboard du Petit Soldat. Et il dit, mais il m'a dit des choses tellement excitantes, tellement justes, tellement intéressantes pour enrichir mon scénario. Et enfin, je mets scénario entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu de scénario écrit pour le Petit Soldat, que finalement, il s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, parce que voilà, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne tellement bien que ça a donné Le Roi et l'Oiseau, longtemps après toutes les étapes que je raconte dans le bouquin. Alors justement, ce qu'on s'était dit, et avec plaisir pour faire une émission de nouveau sur Grimaud et avec toutes les archives exceptionnelles que tu as, ça sera avec plaisir évidemment que ça se fasse ici à Bulle de Rêve. D'archives sonores, parce d'archives sonores, bien sûr, tout à fait. Effectivement, j'ai plein d'entretiens inédits. Et comme on le disait, en plus souvent, nous on a des émissions qui restent ensuite sur Internet et notamment sur des. On a pas mal de possibilités de créneaux en juillet notamment, et quand même pas mal d'éditeurs qui écoutent, d'auditeurs et qui à chaque fois nous permettent d'avoir des émissions, voilà, on a fait Florence Miaille pendant 2 heures ou des choses comme ça, et qui sont absolument passionnantes, donc ça sera avec plaisir. Par rapport au livre, ce qui est passionnant, c'est que c'est vrai que c'est un livre qui fait les deux, c'est-à-dire que c'est un livre qui peut, c'est pas pour vendre absolument le livre, on n'est pas là pour ça uniquement, mais je trouve intéressant, c'est qu'il y a un texte donc qui est fourni, où il y a encore une fois une recherche sur les différentes... C'est le fruit d'énormément de recherches, les différents développements. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille le sujet. Et puis en plus, je connais les gens qui ont travaillé avec Paul. J'ai très bien connu Paul lui-même. Et puis il me faisait confiance. C'est des choses qui se sentent. Donc il m'avait déjà passé pas mal de choses. Et puis évidemment, les archives dans la famille, il y avait des carnets de Paul qu'il a tenus. À la fin de sa vie, il était démangé par l'écriture. Il avait publié au Seuil. C'est traits de mémoire, puisque c'est le titre. Et à partir de la lancée de traits de mémoire, il continuait à tenir des carnets, des réflexions, des souvenirs, qui n'étaient pas uniquement liés à l'animation. Il envisageait de publier un livre de souvenirs qui aurait inclus les portraits de ses copains du 13e arrondissement, ou les artisans qu'il a connus dans son enfance, les transformations du quartier, ses voyages, etc. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses sur les gens du métier. Alors là, si un éditeur nous écoute, effectivement, on a envie d'être prescripteur. Là. Alors, il y a un certain nombre d'éléments de ces carnets que j'utilise et que je cite, y compris d'ailleurs le mot de la fin, n'est-ce pas, qui est un peu une réponse à notre ami Takahata, qui aurait bien aimé que le public ait accès à la première version du Roi et l'Oiseau, c'est-à-dire on va revenir à ça, bien sûr. Dont Prévert et Grimaud ne voulaient plus entendre parler. Et le mot de la fin, c'est cette phrase que j'ai extraite de ces carnets inédits. Écoutez, j'ai décidé que Le Roi et l'Oiseau était la seule version valable. C'est mon film, après tout. Juste, c'est intéressant parce que vous avez évidemment un débat de spécialistes qui est forcément passionnant entre vous deux. Ce qui me paraît intéressant aussi, c'est qui est bien à Bulle de Rêve, c'est qu'on a plein de gens qui évidemment écoutent l'émission et ne sont pas forcément des spécialistes et des connaisseurs. Et moi, ce qui me plaît dans ce livre aussi, c'est que c'est un beau livre, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est important quand même, c'est-à-dire qu'on a plein de croquis, on a des... et qui en plus révèle la grande intelligence, on va dire, de l'espace, du travail de l'espace, par exemple, de Grimaud sur... Il y a des choses qui sont absolument magnifiques. On a des plongées, des contre-plongées. Enfin, il y a des choses absolument incroyables. Ça ne devient pas évident de travailler sur tous ces archives. Mon travail d'auteur n'est pas seulement le texte. J'estime que la mise en page, la mise en scène du livre, je la revendique aussi en plein. Évidemment, avec la maquettiste qui a beaucoup, beaucoup travaillé avec moi. Les choix iconographiques, n'est-ce pas ? Et les choix iconographiques que j'ai faits dans cette richesse incroyable à laquelle j'avais accès. Bien sûr, il y a beaucoup d'inédits. Il y a pas seulement les extraits des carnets inédits de Paul. Il y a aussi beaucoup de dessins, de croquis inédits, bien sûr. Non, parce qu'on est, voilà, on est sur 185 pages, il faut vraiment le dire, parce que c'est vrai que c'est rare, encore une fois, aujourd'hui en tout cas, d'avoir... moi, c'est la même chose que pour les Shadowcast. C'est vrai que j'ai reçu le livre et je me suis dit, voilà, un éditeur qui prend au sérieux son sujet, qui sûrement te fait confiance, et sûrement, donc voilà, parce qu'en effet, il y a évidemment beaucoup, comme le dit Ilan, beaucoup de travail avant, fait sur Grimaud, sur Le Héros à l'oiseau, donc c'est pas un ouvrage qui vient de nulle part, mais moi j'étais très ému de voir, en effet, toutes ces recherches, les bouts de scénario, des bouts de décor, je sais pas, il y a quelque chose de... On a aussi envie de le feuilleter, on a envie de prendre son temps pour juste le regarder de temps à autre, juste se faire plaisir en fait, comme voilà, on peut avoir des catalogues de Nordstein, des choses comme ça. Je suis très content d'entendre ça, parce que pour moi c'est pas simplement un album à feuilleter, hein, c'est un vrai bouquin, mais je crois qu'il y a les deux entrées complémentaires. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est un livre à lire et, comme tu dis, aussi à feuilleter et à admirer pour la qualité de la photographie, par exemple, pour te donner une idée de l'intérêt que l'éditeur a porté à ce livre. Ils ont accepté qu'on ait des séances de travail, soit au film Paul Grimaud pour avoir les originaux à portée de la main, pour vérifier à chaque fois la qualité de la photogravure, mais on a eu aussi deux ou trois séances avec les plus proches collaborateurs de Grimaud à cet égard, c'est-à-dire Gérard Soirand, qui a fait tout le travail au banc-titre, et Lionel Charpie, l'assistant décorateur de Paul, qui a une mémoire chromatique égale à celle de son maître. Donc on a petit à petit, comme ça, cerné au plus près la photogravure pour avoir la plus grande fidélité possible pour les couleurs. Je ne sais pas combien d'éditeurs auraient accepté qu'on ait ce travail-là aussi poussé. Donc, et les photos très touchantes d'ailleurs, c'est aussi un bel objet, ouais. De Lionel Charpie, justement, avec Grimaud. Enfin voilà, c'est vraiment, donc oui, c'est quand même aussi important de le dire, parce que ça peut plaire aux passionnés d'animation, on va dire, et j'en connais, voilà, qui aiment bien collectionner, ont tous les livres d'animation, donc ça c'est important. Et à la fois, en effet, ce qu'on peut avoir, je sais pas, que quasiment le studio Ghibli fait, à savoir ces gros livres comme ça, avec plein d'images sur chacun de leurs films, enfin qui oui, sont. Alors cela dit, moi vraiment, ce qui me frappe aussi, c'est que c'était le cas déjà bien sûr du livre précédent, hein, chez Lhermitte puis Dreamland, mais c'est la manière dont vous écrivez en fait sur Grimaud est une forme de vulgarisation, c'est-à-dire que vous adressez vraiment au public le plus large, et je trouve ça très très précieux, parce qu'effectivement une fois encore il s'agit de sortir un petit peu effectivement de ces cercles des gens déjà convaincus, des auditeurs déjà auditeurs et autres. Oui, mais en essayant d'être le plus précis possible. Bien sûr, mais c'est ce qui oui. caractérise la bonne vulgarisation. Oui, ben d'accord, je me méfie quand même du terme de vulgarisation. Non, moi je précise. Moi je suis assez d'accord avec Ilan. Moi je trouve que c'est un terme que justement on a trop malheureusement si vous voulez dire que je suis pas chiant ni trop élitiste, tant mieux, parce que j'ai un vrai plaisir d'écriture, donc si ça se lit bien, tant mieux, c'est un compliment pour moi, mais en même temps je ne cède rien sur le plan de l'information et de la précision. Tout à fait. Donc c'est ce qui caractérise à mes yeux la bonne vulgarisation, c'est-à-dire que c'est à la fois ça s'adresse à tout le monde, et chacun quelque chose à son degré finalement de familiarité avec l'objet. Il trouve à son compte des choses qui sont justes, donc qui sont pas effectivement réduites, passées sous silence ou autres, mais qui sont équilibrées, et même les gens qui connaissent a priori bien le sujet, à mon avis, en apprennent énormément. Voilà. Le film lui-même d'ailleurs s'adresse à plusieurs publics. Bien sûr. On l'a dit et redit, c'est une des particularités du Roi et l'Oiseau, de s'adresser aux enfants, aux plus grands. Grimaud, je cite souvent sa phrase, quand on lui demandait est-ce que vous vous adressez aux enfants ou aux adultes, il disait les enfants ont droit aussi à avoir de bons films. Donc il s'adressait à un public indifférencié, mais avec une très grande exigence sur la qualité de son travail. Je pense que ce que voulait dire aussi Ilan, et d'où l'importance à mon avis aussi, et le côté intéressant du livre, dans côté vulgarisation, c'est peut-être, on n'aime pas le mot, c'est autre chose, mais c'est aussi la multiplicité finalement de voix qu'on entend à l'intérieur, puisque on a droit à des interviews aussi bien donc de Lionel Charpie, dont on a parlé, Wojciech Kilar, donc le compositeur de la musique, c'est-à-dire qu'on a d'un seul coup, des collaborateurs, voilà, c'est ça. Moi de t'interrompre, mais, non, mais il y a par exemple une conversation entre trois animateurs de La Bergère et Le Ramoneur, et malheureusement trois voix qui se sont tues, comme on dit, hein. Mais à l'époque ils étaient très vivants, et c'est chez moi que je les ai enregistrés. On avait passé une après-midi formidable, et Paul voulait pas s'en mêler, il a dit par contre je viendrai bien les embrasser après, et il est arrivé le soir après l'entretien que j'ai enregistré avec ces trois petits camarades qui étaient Vimney, Aseo et le cher Gabriel Gabriel lignée qui a été le plus fidèle jusqu'au bout des collaborateurs de Paul depuis 1937, vous vous rendez compte, et qui était encore là quand Paul Grimaud a monté sa grande exposition du Palais de Tokyo. Gabi était tous les jours en train de préparer avec lui. Ça aussi, c'est de l'amitié dans le travail. Hein. On n'a pas parlé, évidemment, complètement du film, puisque c'est la base même du livre, et j'espère que voilà, les gens vont être très curieux et d'aller acheter le livre et de prendre d'apprendre tout ce qu'on a pu apprendre. En plus, il n'est pas cher le bouquin, tu te rends compte ? Il est à combien ? J'ai même pas dit le prix. Un livre d'art à 28 euros. À 28 euros, tout à fait. Donc, tout en couleur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai livre ? Moi, c'est ce que j'ai ressenti d'amis et donc d'amitié, quelque chose que d'un seul coup, tu avais envie de donner aussi à Paul Grimaud, un peu comme un. Ben voilà, comme ce qui t'a donné, les échanges que vous avez eus, et je sais pas, j'ai ressenti quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Ben c'est bien si tu l'as senti, c'est un travail de recherche, mais si c'est sous-tendu par un sentiment d'amitié, d'admiration, de respect et de dette en quelque sorte, hein, puisqu'il m'a ouvert sa porte et j'en ai largement profité, j'ai passé des tas de moments formidables chez lui, tant mieux. Et en même temps, c'est une histoire d'amitié aussi, parce que c'est l'amitié de Grimaud et de Prévert que je raconte. Prévert qu'il a jamais laissé tomber. Parmi les documents inédits, il y a une photo d'une conférence de presse au moment où c'était le plus tendu, où ils essayaient de se bagarrer contre le détournement, en somme, de ce film qui, contre leur volonté, a été présenté au Festival de Venise, où il a été primé, d'ailleurs. Prévert a toujours été à ses côtés. Vous voyez, donc ça c'est quand même, effectivement, une histoire d'amitié. Ce bouquin est dans différents sens du terme, à différents égards, ouais, c'est vrai. On va faire donc. Bien vu, monsieur Huneau. Merci. Bravo surtout. On va faire une petite pause et on va revenir après pour parler donc avec Ilan et avec, bien sûr, Jean-Pierre ces deux versions, hein, la Bergère de Ramoneur, donc 52-53 et le renouveau, le Royal Oiseau 79-80. On va voir, hein, ce qui change, ce qui change pas, des petites choses comme ça, voir l'influence que ça a eu au Japon. On va faire une pause musicale avec les deux morceaux qui suivent. Donc 6 et 7 qui est tiré de la Forêt de Mogari. On part dans un autre style que ce qu'on a eu avant. Et on revient donc à peu près un peu plus de 5 minutes, voir pour discuter pendant une bonne dernière demi-heure du reste un peu de ce qu'on peut dire sur le Roi et l'Oiseau, même s'il y a encore plein de choses évidemment à dire. Ça sera, comme d'habitude, cette émission beaucoup trop courte pour dire tout. À tout de suite. Yahoo! Ah! Le dessin animé français La Bergère de Ramoneur est sorti au Japon en 1955, alors que j'étais étudiant. Je fus ébloui par les immenses possibilités d'expression du cinéma d'animation et conquis par la sensibilité poétique de ce long métrage. Le charme d'un espace insolite aux couleurs épurées et aux incroyables perspectives, l'enchaînement d'idées aussi imprévisibles que géniales, des machines stupéfiantes, des personnages admirablement caractérisés, un rythme et une sensation de vitesse impressionnants, et cet humour à froid si particulier. Comme il n'existait à l'époque aucun système vidéo pour voir les films, mon enthousiasme me conduisit à fréquenter maintes fois les salles où passait La Bergère de Ramoneur et à prendre des notes dans l'obscurité. Puis, je rédigeais la continuité de l'histoire, dessinais le plan des appartements secrets du roi, reconstituais la partition des chansons que j'avais mémorisées. Grâce à l'entremise de mon professeur d'université, je pus emprunter au distributeur le script français qui avait servi à l'élaboration des sous-titres. Il était typographié sur du papier de correspondance par avion, aussi mince que les feuilles de papier calque. J'en recopiais l'intégralité sur des cahiers. Comment faire autrement, puisque à l'époque, la photocopie n'existait pas. Ce qui est certain, c'est que l'influence de ce film fut pour moi décisif. Je peux affirmer que, sans sa découverte, je n'aurais jamais emprunté la voix du film d'animation. C'est dire l'intensité du choc que je reçus alors. Ça, c'est un texte qui est donc dans le livre de Isao Takahata, qu'on présente à peine, en tout cas qu'on va quand même dire qu'il a notamment réalisé Le Tombeau des Lucioles pour parler de son film le plus connu, mais d'autres grands chefs-d'œuvre, hein, Homo et Polo Polo, souvenir goutte à goutte. Enfin voilà, de grands chefs-d'œuvre. Mes voisins, les Yamada, donc, en effet. Ilan, quand on lit ce bout de texte, donc traduit par toi, oui, notamment, dans le livre, et il y avait eu une très belle exposition, hein, à Fontevraud, notamment sur cette trilogie, cette exposition dont Jean-Pierre avait assuré le commissariat, Miyazaki Takahata, avec la collaboration de Xavier Kawatopor et Ilan Nguyen. Donc voilà, donc on retrouve toujours la même bande, hein, voilà. C'était une grande belle exposition qui malheureusement était guère transportable, puisqu'elle était, la scénographie était très liée à l'architecture de la grande salle de l'abbaye de Fontevraud, mais mais c'est effectivement un très grand souvenir. Et Takahata était venu de Tokyo pour l'inauguration de cette exposition, dont le principe était l'univers, l'œuvre de Paul Grimaud et son influence sur Miyazaki et Takahata. Alors Ilan, parce qu'on met souvent Miyazaki évidemment en avant, il y a Sōtsuka aussi, oui, dont on parle beaucoup. Alors c'est quoi cette influence quand il arrive en 55? C'est si important, impressionnant. Il passe dans beaucoup de salles, tu sais, au Japon. Le film est passé, c'est pas comparable du tout en réalité. Si on compare l'audience ou l'impact qu'avait le cinéma à l'époque avec ce que c'est aujourd'hui, évidemment, le film sort en 53 en salle en France, il sort en 55 au Japon. C'est l'époque où il n'y a quasiment que le cinéma, la télévision n'existe pas ou quasiment pas. Donc évidemment, les audiences, je sais pas combien, il y a une différence de plusieurs zéros, je pense, en termes de nombre de spectateurs, hein, enfin au moins un. Et donc c'est une époque au Japon après la guerre où les premiers longs métrages d'animation commencent à sortir à partir de 48 en gros, c'est-à-dire c'est quoi les voyages de Gulliver, donc des frères Fleischer en 48, les premiers longs métrages de Disney sortent à partir de 1950 pour Blanche-Neige, donc assez longtemps après la sortie dans le pays d'origine. Et donc il y a, au tournant des années 50, il y a une sorte de révolution qui se fait sous le regard des spectateurs de cinéma, des cinéphiles qui sont évidemment qui dévorent de la pellicule, pour qui le cinéma évidemment est l'art, le langage de notre temps, comme disait Bazin. C'est vraiment le dessin animé prend place à l'intérieur de cette conscience du cinéma, avec un certain nombre de films, avec donc voilà les films soviétiques, effectivement Le Petit Cheval Bossu, La Reine des Neiges quelques années plus tard, etc. Enfin, il y a des longs métrages qui, parce que ce sont des longs métrages, parviennent à effectivement à dépasser les frontières de perception qui sont celles du cartoon, effectivement du film court burlesque. Cette étape dans l'évolution du film d'animation qu'est le cartoon est dépassée à ce moment-là avec ces films, y compris donc par Disney. Je veux dire, les longs métrages de Disney clairement marquent le franchissement d'une étape par rapport à ce qu'a été le cartoon jusqu'alors, très, très clairement. Enfin voilà. Donc cette révolution a un impact qui, pour le cas de La Bergère à Meneur, manifestement, effectivement, touche un public qui est très large, un public de cinéphiles, mais un public, les critiques d'art, les intellectuels. Le cinéma français jouit à l'époque au Japon d'une audience, enfin la culture française en général, les intellectuels français, la littérature française, le cinéma français. Voilà, il y a cette étape de la guerre, puisque au Japon on parle de cette guerre de 15 ans, je le redis toujours, donc dès les années 30, en réalité, il y a un certain nombre de choses qui finalement ne rentrent plus au Japon. Voilà, à partir de quoi, 37-38, même en termes purement techniques. Des films, des gens comme Ofuji qui est l'un des premiers à travailler, à faire des expériences sur la couleur, vers 36, les gens du film Zatter me disaient, voilà, lui, il travaille sur un procédé de couleur qui existe très très peu au Japon, parce qu'effectivement, il a été évincé par la suite, mais dès 37-38, lorsque la situation commence à se tendre, eh bien, on n'en trouve plus. Ça, c'est plus importé. Donc voilà, il y a des périodes comme ça, qui sont des périodes de fermeture, après lesquelles, d'un seul coup, il y a une sorte d'explosion. Et donc, oui, le cinéma de Grimaud. Donc, c'est pas surprenant de voir en 55 arriver, on pourrait dire, tiens, La Bergère à Meneur, c'est qu'il y a une envie de découvrir plein de choses. Et le film, surtout, est diffusé. Vous avez reproduit l'affiche, mais il y a aussi ce qu'on appelle les pamphletos, on en avait déjà parlé précédemment. C'est-à-dire des petites brochures qui sont des présentations. Les films de dessin animé, en général, n'ont pas ça. Et ce film aussi, parce qu'effectivement, il y a aussi le roman de Prévert, il faut bien comprendre ça. C'est vrai que voilà, les grands films de cinéma français auquel a participé Prévert et qui ont marqué une époque du cinéma français, eh ben, arrivent dans l'après-guerre. Et donc voilà, tout ça est lié, tout ça fait cascade. Et, donc Takahata vient à La Bergère à la Meneur par Prévert. C'est ça. C'est ça. Lui s'intéresse à Prévert, il est en deuxième année à l'université, on est en 55, donc il s'intéresse déjà à Prévert, effectivement, et c'est par Prévert qu'il va aller voir ce film. Et donc pour l'exposition, on avait pu reproduire certains éléments justement de ces carnets qu'il a noircis dans le, comme ça un peu frénétiquement, dans le noir, Alors évidemment, il écrit dans le noir, il peut pas s'éclairer, donc c'est il barbouille les visages, les yeux qui bliquent comme ça du roi. Oui, c'est incroyable le travail qu'a fait Takahata à ce moment-là. Il a reconstitué la musique de Cosma aussi, oui, oui. Parce que Takahata a non seulement une formation littéraire, il a ce goût de la littérature, de la poésie française, mais il a aussi une formation musicale. Et donc, il a été capable de reconstituer les dialogues de Prévert, la musique de Cosma et le découpage de Paul Grimaud. On a une exploration de l'espace, par exemple, des appartements du roi. On avait tout ça dans l'exposition. Et pourquoi ça marque autant donc, ces jeunes japonais comme ça, et d'un seul coup, qui voient la Bergère et le Ramoneur, pour les gens qui ne connaissent pas, alors c'est vrai qu'on a vu l'expo, on sait, mais pourquoi ça marque autant? Là-dessus, il y a, je pense qu'on peut citer justement, je pense que c'est un des passages aussi qui est cité dans le livre. Otreso a publié un petit texte à cette époque-là en 2010. C'est voilà, comme l'a écrit M. Otsuka au sujet du long métrage de Grimaud. Il s'agit du premier film d'animation qui ait décrit l'intériorité humaine. Et ça, je pense que c'est typiquement ce que le genre de différence par rapport à Disney, par rapport à telle ou telle production américaine, sur lequel il est facile de passer outre, parce qu'on se dit voilà, bon, c'est du dessin animé sur cellulose, c'est un truc d'époque, on voit le graphisme, on se dit voilà, c'est. Mais et donc on est myope à une distance qui est considérable, qui est effectivement eux ont été frappés par la manière dont la description de la psychologie du roi, ce personnage perclus de complexe. Qui n'aimait personne et même pas lui-même effectivement, et la manière de le construire en image, de montrer par l'image, par les expressions, par ce que les Américains appellent l'acting, mais c'est-à-dire que pas uniquement les comportements délibérés ou conscients, mais tout ce que les mouvements du visage, des expressions vont révéler de l'inconscient, de ce dont le personnage lui-même n'est pas conscient, mais que le spectateur lui va pouvoir percevoir. Donc cette forme d'intériorité, les Japonais, ils sont extrêmement sensibles. Ça, c'est quelque chose qui, pour eux, évidemment, quand on voit leur production animée depuis lors, c'est clairement quelque chose qui a marqué ces cinéastes-là, parce qu'effectivement, et c'est quelque chose qui diffère de ce qu'a mis en place, la modernisation qu'a mis en place Disney avec le fait de rotoscoper des personnages et de se baser sur la prise de vue réelle pour fixer des canons, ou même sur le plan purement graphique, fixer des canons esthétiques de personnages féminins par rapport à tel ou tel type d'actrice ou je ne sais trop quoi, on est à des années-lumière de ça. On est vraiment, on a des personnages, ce que les Américains appellent character animation, ou c'est autre chose quoi. Et c'est quelque chose qui, enfin, à ma connaissance, enfin moi j'ai pas de film disneyen du répertoire classique qui soit allé aussi loin dans le fait de caractériser justement un personnage comme ça. Voilà. Et alors Otsuka, dans une autre interview, parle aussi du vide et dit qu'il est très impressionné par le fait qu'il y a plein d'endroits où on laisse le ciel, on fait pas les images déjà, bah voilà, toujours pour reprendre Disney ou en tout cas comme aux États-Unis absolument pleine, où il faut absolument, oui, alors on pourrait parler du style en haut de Disney, effectivement ce côté rassurant du mouvement, etc. Il faut toujours effectivement avoir un mouvement sens comme ça vers le centre de l'image avec les livres qui s'ouvrent, etc. Toute une grammaire qui est censée rassurer le spectateur et surtout ne pas l'inquiéter dans quoi que ce soit. Là on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont là aussi un petit peu pour nous inquiéter cette perspective vertigineuse, cette verticalité. Il y a un sens de l'espace dont tu parlais tout à l'heure qui est absolument incroyable et qui là aussi parle au japonais, parce que vous le citiez, je vous le cite dans le livre, Grimaud a fait tout ça à plat. Il a jamais utilisé tout le fatras de la multiplane de ceci, de cela, enfin d'essayer de trouver des succès amenés. Lui, tout se joue sur la feuille de dessin. Donc ce vertige qu'on peut ressentir, il est construit, il est conçu en tant qu'image sur une surface plane, et c'est ce que les Japonais vont explorer à leur tour ensuite avec beaucoup beaucoup effectivement d'énergie voilà, ce sont des voix qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de nous donner comme une sorte de référent absolu, et c'est très triste que ça soit amalgamé, parce que ça n'a rien à voir vraiment. C'est oui, parce qu'on parlait en effet de cette idée de se dire que c'est autre chose que juste du non Disney, mais que ça va évidemment beaucoup plus loin le roi et l'oiseau que juste parce que c'est la même technique et c'est pas le même graphisme, enfin ce genre de choses. Quelles sont les grandes différences qu'il y a Isao Takata dit bien, en effet, insiste sur le fait souvent de dire, comme tu le disais, Jean-Pierre, par rapport à que c'est la Bergère Ramoneur qui l'a inspiré plus que le Roi Loiseau. Il faut dire que le Roi Loiseau vient évidemment, alors que lui a déjà travaillé, donc c'est forcément pas du tout la même importance. Est-ce que pour lui, pour Takata, c'est vraiment donc cette... Je crois surtout que, enfin, là, c'est vraiment l'un des points les plus délicats de cette histoire. Et je trouve là aussi que, plus que dans vos livres précédents, je crois que là, vraiment, il y a, on peut saisir la complexité du sujet, du rapport entre les deux films. Ce qui, très souvent, je pense, a, en tout cas, longtemps, était plus ou moins occulté. Disons, en tout cas, il y a une sorte de rééquilibrage qui, moi, me semble salutaire, parce qu'effectivement, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne peut, comment dirais-je, l'imaginer en général. Hein. C'est souvent le cas. Les choses sont souvent plus compliquées qu'on l'imagine. Évidemment, les Japonais ont été marqués par ce film dans les années 50. Film donc, comment dirais-je, incomplet, film désavoué par ses auteurs, film donc blessé, vous le disiez. Mais malgré tout, un très grand film. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est-à-dire que le choc que représente la Bergère Ramoneur dans les années 50, justement, par rapport à cette époque, par rapport à ce que représente Disney, si on le compare, si on replace le film et son impact dans l'époque, par rapport à ce que représente le Roi Loiseau au tournant des années 80, ça n'a tellement rien à voir. C'est-à-dire que et le fait de se dire, voilà, le film précédent qui nous a tellement marqué, qui nous a semblé absolument incroyable, et que l'auteur n'a pas reconnu comme sien, lui, ça, il a fourni sa version. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans la figure? On va se dire, mais voilà, là, on va avoir une révélation qui va être quelque chose d'absolument incroyable. Et en réalité, non. En réalité, les deux films sont beaucoup plus proches qu'on ne veut souvent le dire. Et donc, voilà, ce qui fait la force du Roi Loiseau, beaucoup de choses, évidemment, étaient déjà là dans le Roi Loiseau. Alors, après, on peut faire des débats qui sont des débats d'histoire de l'art. Est-ce que telle peinture qu'on a retrouvée récemment de tel grand peintre sur lequel tel autre a dessiné quelque chose d'autre, quelle est sa valeur? On peut effectivement, si on raisonne purement en termes d'histoire, je pense que tout le monde s'accordera pour dire qu'à partir du moment où effectivement il y a un dessin qui est identifiable, un dessin, le dessin EIN, hein, on est bien d'accord, c'est-à-dire une intention et une patte qui est reconnaissable dans cette toile qu'on aurait retrouvée. Cette toile a une valeur. On ne peut pas l'occulter, on ne peut pas l'ignorer, quelles que soient les turpitudes qu'elle ait connues par la suite. Et dans la Bergère Ramoneur, il y a tellement de force qui est la force de Grimaud et Prévert que c'est vraiment, je pense, effectivement salutaire de pouvoir se dire que voilà, eh bien, il y a des choses qui ont été complexes. Et là, justement, la pluralité des voix, les personnes que vous interrogez, qui évoquent le sujet, l'évoquent là aussi avec une pluralité de ton par rapport à cette complexité d'histoire. C'est un sujet qui est tellement complexe, il faudra y passer plus d'une émission. Hein. Oh, bien sûr, oui. C'est une discussion qu'on a très souvent, bien sûr, hein, qu'on a eue avec Takahata lui-même bien à sûr. Tokyo et ailleurs, puisqu'on s'est retrouvés en France, etc. Et qu'on a eu depuis la sortie de mon livre encore avec Ilan. On a eu l'occasion de reparler de tout ça. C'est un des aspects. Je ne voudrais pas qu'on ramène tout le livre à ça, mais effectivement, c'est pour ça que j'en parle qu'à la fin. J'ai eu à cœur de cerner cette question-là. Et je crois qu'il faut bien voir. La première réponse, on peut la chercher du côté de Grimaud lui-même, qui disait bien sûr que le premier film n'était pas rien, et pas seulement parce qu'il a eu un prix spécial à Venise, mais parce que j'en ai gardé 40 minutes. C'est quand même pas rien, 40 minutes. Le meilleur du premier film, ce qu'il revendiquait absolument, se retrouve dans Le Roi et l'Oiseau. Il y a aucun doute là-dessus. Et puis alors, parmi les choses de façon évidente qu'il ne pouvait pas accepter, c'était la fin imposée par le producteur. La fin de la Bergère Ramoneur est impossible. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, il y a eu, c'est aussi l'un des retours de balancier de toute cette histoire dans tout ce qu'elle a de tragique pour toute la carrière de Grimaud, évidemment. Ah, ça, c'est sûr. Et pour l'animation française en général. Tout à fait, exactement. Bien sûr. Qui ne s'en est pas remise pendant des décennies. Bien sûr. Et tous ces problèmes de droits qui se sont posés avant justement la loi de 57, vous le rappelez bien dans le livre. Je veux dire, il y a un retour de balancier qui voudrait que, effectivement, l'auteur. Et son objet et le film, à un étage donné, bien sûr, ils ont un rapport qui est exclusif. Mais à un autre étage, un film qui est sorti en salle, qui a été montré, qui a eu une vie publique, Dans quelle mesure est-ce qu'on peut, et jusqu'à quand, et jusqu'où est-ce qu'on peut l'occulter? Oui, parce que ce que dit Ilan, alors je sais que ça va faire bondir certains auditeurs que je parle de George Lucas, mais c'est ce qu'on reproche évidemment à Lucas par rapport à son Star Wars, en disant mais il n'a pas le droit de le remanier, c'était ce que moi j'ai vu quand j'étais jeune, et on sait à quel point il remanie son film, mais surtout en empêchant, ou en tout cas en ayant la difficulté de voir l'œuvre originelle toujours, c'est-à-dire la première œuvre. Est-ce que ça, on ne peut pas... En effet, puisque des gens l'ont vu en salle à l'époque. Non, mais c'est encore autre chose. Mais moi, ce qui me semble, oui, un des aspects pour lequel c'est le plus clair, le plus facile à comprendre, quelles que soient les qualités du Roi Loiseau, et il y en a énormément, et Monsieur Takata, dans son livre justement, essaye d'entrer dans son livre de 2007, essaye de rentrer dans un travail effectivement comparatif des deux films, et pour montrer leur valeur à l'un et à l'autre. Évidemment, lorsque c'est les voix, et on en revient toujours à ça aussi. Pardon, les voix, c'est un exemple typique. La Bergère Lamoneur. Ce film ont travaillé c'est Brasseur, c'est Reggiani, c'est Anouk Aimé, c'est les plus grands comédiens de l'époque, les plus grands acteurs de... Surtout ce qu'il faut dire, c'est que c'est le trio qu'avait choisi Prévert, parce que Prévert écrivait beaucoup pour des comédiens qu'il connaissait, oui. Elle écrivait les dialogues en pensant aux interprètes, et c'est les comédiens qu'il avait choisi pour un film exactement de la même époque qui s'appelle Les Amants de Vérone. Oui. D'André Cayatte. Non, mais ce sont les mêmes comédiens qui vont faire les voix des trois personnages principaux de La Bergère et le Ramoneur. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a quelque chose que, par la force des choses, évidemment, il n'était pas possible de reprendre dans Le Roi Loiseau, et quelles que soient les qualités de doublage du Roi Loiseau, c'est pas la même chose. Je veux dire, là, il y a vraiment quelque chose, objectivement, si on se dit, c'est un des travaux, par exemple, de ces comédiens-là, auxquels on n'a pas accès, par exemple. Vous avez vu, comme Ilan aime. Quand quelque chose ne te plaît pas chez moi, enfin mettre en touche pour être sûr qu'on ne reparle pas donc de Lucas, donc je ne reparle pas là-dessus. Est-ce que ce que dit Ilan a quelque chose d'intéressant dans le sens où est-ce que malheureusement de ne pas laisser des gens comme ce que je tiens dans les mains, alors oui, on est à la radio donc vous ne pouvez pas le voir, mais alors elle va prendre une photo, voilà, d'un seul coup, qui sont tout simplement que le film La Bergère Lamoneur est libre de droit aux États-Unis, donc on a droit à des éditions très cheap, hein, ça je les ai achetées à 1€, 1,50$ avec des choses reproduites derrière. J'en ai vu une qui est d'une qualité épouvantable. Qu'on peut trouver sur archive.org, ouais. Qu'on retrouve sur internet, que moi j'ai trouvé, et j'étais même un peu scandalisé, j'avais fait un article moi sur mon site en disant mais je ne comprends pas que finalement moi, alors qu'on m'a toujours parlé de La Bergère Lamoneur comme film quand même parce très ça, important. En plus, la version américaine était en plus coupée davantage, voilà. C'est-à-dire qu'elle est censurée. Enfin bon, c'est et qu'on me laisse finalement la seule possibilité que j'ai de voir ce chef-d'œuvre, qui est La Bergère Lamoneur, enfin en tout cas une partie d'un chef-d'œuvre. C'est vrai, c'est un petit peu dommage si ça n'existait pas encore pour SDR, mais de le voir ça avec une voix, bon, c'est quand même la voix de Peter Ustinov, c'est pas non plus la pire des voix, mais je trouve Claire, ça presque. Claire Bloom pour La Bergère. Voilà, donc quand même deux grands acteurs, mais je trouve ça peut-être presque un peu dommage qu'on l'ait dans cette qualité. En plus, les couleurs sont passées, etc. Est-ce qu'on ne peut pas le regretter, sans faire de Paul Grimaud malade, malade absolument de voir ça, bien sûr. Et de même qu'il aurait été malade d'apprendre ce qui a failli arriver encore au Roi et l'Oiseau, c'est-à-dire qu'on enregistre une nouvelle version sonore. C'était le bruit qui courait l'année dernière, mais ça a été une menace réelle. C'était pas du tout un canular. Hein. Et maintenant que Studio Canal a les droits. Heureusement, Studio Canal y a renoncé, mais d'accord. Il a été question de ça. Il a été question de faire un nouvel enregistrement des voix. Est-ce que c'est pas une problématique maintenant donc Studio Canal a les droits? On peut pas avoir un remake arriver ou ce genre de choses? J'espère qu'on s'en tiendra à la version qu'a voulu Paul Grimaud et qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau, point final. Des fois, il faut se méfier des endroits. Je sais pas si. Pardon, vous savez, je te laisse la parole, Jean-Pierre, que par exemple, le fameux discours hein, « I have a dream » de Martin Luther King, et vous ne pouvez pas le partager, par exemple, sur Internet, alors que c'est normalement un message d'espoir, et que les ayants droit refusent que la vidéo soit mise sur Internet pour des associations qui prêchent justement ça, ce qui paraît toujours un petit peu inquiétant. Il faut donner de l'argent, évidemment, pour ça. Alors. L'idée de M. Takahata, c'était... lui qui s'est occupé de l'édition japonaise de la sortie film, en salle, oui. Il aurait et de la sortie en salle, sortie très discrète d'ailleurs. Hein, oui, mais sortie tout de même, c'est-à-dire que mais c'est... Sortie, oui, oui. Oui. C'est... Mais en tout cas, son idée qui peut se défendre hein, d'un point de vue de curiosité de cinéphile, en tout cas, les gens seraient... Enfin, je suppose qu'il y a une partie du public qui serait contente de savoir à quoi ressemblait La Bergère dans une bonne version. Donc son idée, c'était de mettre en bonus en tant que document, voilà, c'est ça. En bonus du DVD, la première version, celle donc des avoués par Prévert et Grimaud. La famille s'y est opposée, et moi je la comprends parfaitement, puisque Paul Grimaud s'y serait opposé. Toute sa vie, il s'est opposé à ce qu'on rende public cette première version, qu'on peut voir en cinéma. cinémathèque si on est un chercheur, si on fait un travail sur lui. C'était toujours ça son idée. Oui. Mais il disait, il n'y a pas de raison que ce film pour lequel on s'est bagarré pendant des années pour le faire aboutir de la façon qu'on souhaite, c'est pas pour maintenant divulguer la version qu'on a reniée. Ça restera... Voilà. Moi, je crois quand même qu'il faut privilégier la volonté de l'auteur. Enfin, un grand débat, on va laisser Jean-Pierre K, connu. Paul Grimaud, avoir le dernier mot sur cette histoire, encore une fois, c'était juste, elle est importante, bien évidemment, pour les historiens, pour tout un travail, vous savez, mais bon, on va pas... Ce qui est amusant, il n'y a pas qu'en cinéma qu'il y a des affaires comme ça. Souvenez-vous, en littérature, une certaine Chartreuse de Parme, d'un certain Henri Bell dit Stendhal. Je ne sais pas si c'est une histoire passionnante aussi, on n'a peut-être pas bien le temps de la raconter, mais en deux mots, vous savez qu'à la sortie de ce roman, la Chartreuse de Parme, qui est comme... La Bergère Ramoneur était extrêmement en avance sur son époque aussi. Il y a un certain Honoré de Balzac qui a pris la peine de faire un très long article en 1840 pour vanter les mérites de Stendhal. Et en même temps, pour faire un certain nombre de critiques, pour dire par exemple, ça serait tellement mieux s'il supprimait les 10 premières pages parce que, et puis qu'on attaque directement sur Waterloo, parce que toute la partie historique du début, c'est lourd, ça va décourager le lecteur, démarrons sur les coulisses de Waterloo, Fabrice, etc., de la séquence très célèbre, l'épisode très célèbre, etc. Et figurez-vous que comme ça venait de Balzac, qui était plus jeune que lui, mais qui était plus réputé comme romancier à l'époque, Stendhal a commencé par corriger tout de suite, par sabrer dans son roman. Et heureusement, on n'a pas tenu compte de ça. Les éditeurs successifs n'ont pas tenu compte de cette correction. Mais tant mieux, je veux dire, il faut garder l'impulsion première et la volonté de l'auteur, la volonté profonde de Stendhal, c'était de faire la Chartreuse qu'il a voulu. La volonté profonde de Paul Grimaud, c'est de faire Le Roi et l'Oiseau. Et point final. Mais je sais très bien que quand je reverrai Takahata, on reparlera de ça. Parce qu'entre-temps, il a reçu mon livre et il aura peut-être des choses à en dire. J'espère qu'il pensera comme Ilan, que je donne la parole aux uns et aux autres concernant ce problème-là et que j'ai finalement une position assez équilibrée, tout en maintenant, attention, c'est pas renvoyer chacun dans les cordes, puisque je prends parti, évidemment, pour le point de vue de l'auteur. En espérant que Takahata viendra avec son prochain film, quand il viendra en France, oui, qu'on espère terminer. Je sais pas, le temps nous manque, mais juste une chose quand même, parce que ce qui est important de souligner, je pense, par rapport au livre, mais l'actualité de ce livre, je pense, reflète l'actualité du film, au sens beaucoup plus large, c'est-à-dire ce film, dans quelle que soit d'ailleurs la version, est d'une c'est très triste à dire, mais d'une telle actualité aujourd'hui. Enfin, il a gardé. Monsieur Takahata parle de sa lucidité, ce caractère précurseur, pas prémonitoire, mais faut que je retrouve exactement le terme. Sa lucidité prémonitoire. C'est un film qui, à mon sens, enfin, vraiment n'a pas du tout vieilli. Il garde une valeur pour le temps qui est le nôtre, qui ne laisse pas de surprendre. Et voilà, je voulais juste dire ça. Non, mais c'était évidemment... On est tout à fait d'accord là-dessus. Passionnant. Jean-Pierre, on a à peine 30 secondes. On va finir en musique. C'est ce que je voulais pour jouer, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Donc d'un seul, on vous a donné aujourd'hui, alors qu'on n'avait pas fait ça pour les chefs-d'œuvre, mais c'était important évidemment pour Le Roi et l'Oiseau, plus d'une heure sur ce chef-d'œuvre. Et voilà, et je voulais pas finir non plus là-dessus, mais est-ce que... On en reparlera parce qu'on a vraiment pas le temps. L'idée c'était de dire voilà qui aujourd'hui, on a parlé de la Guillonie, mais quid de justement de l'héritage du Roi et l'Oiseau. Est-ce que justement c'est un tel monument qu'il n'y a pas d'héritage possible et qu'aujourd'hui il est visible encore en se disant il est toujours visible aujourd'hui. Je sais pas comme il y a l'héritage direct déjà de tous ceux qui ont travaillé dessus et qui sont toujours là. Il y a Alain Costa qui habite à Dublin qui a été définitivement marqué par son travail avec Paul Grimaud. Alain Costa, c'est l'animateur du Petit Clown, notamment, personnage qui n'existait pas dans la première version. Il y a notre ami Charpie, qui malheureusement a du mal à mettre en chantier son premier film comme réalisateur, mais pour qui le travail en face à face avec Paul Grimaud pendant ces années-là a été décisif et l'a formé à la fois comme homme et comme artiste. Et puis comme tu dis, la Guillonie, pour qui ça a été décisif, parce que finalement parmi les réalisateurs c'est surtout lui qui est l'héritier. Il y a un autre héritier pour l'esprit, pour l'humour, c'est notre ami Colomba, Jacques Colomba, qui était un très cher disciple. Grimaud l'adorait. Ils avaient une complicité extraordinaire. Le problème de Colomba, c'est qu'il n'est pas que réalisateur et qu'aujourd'hui, il prend beaucoup plus de plaisir à faire ses rébus peints. Il a beaucoup de talent pour la peinture. Hein. Il s'est mis aussi à faire un bouquin dont on devait parler ici, puisqu'il s'agit d'un nanar. Non pas un nanar au sens vieux film, vieux navet cinématographique, mais un anarchiste. Ça serait bien de l'inviter, Colomba, puisqu'on ne peut pas l'inviter pour des films. Il n'en a pas fait depuis Robinson et compagnie. Il faut l'inviter pour ses autres activités. Mais voilà un héritier de l'esprit Grimaud, en tout cas. J'espère, en effet. Merci, Jean-Pierre. J'espère, en effet, qu'on aura aussi des gens, plus de la jeune génération qui vient nous expliquer. On espère avoir quelqu'un comme David Durand. On va finir donc, parce que j'ai jamais eu le temps de le passer, avec, alors on va passer l'un des morceaux que je voulais passer, qui était le 8, et on va finir par le 9 et le 10. On finit par un morceau qui s'appelle The Collapse Under the Empire, qui s'appelle Dark No Sky, et on finira avec le générique de fin qui nous est sorti aussi de La Forêt de Mogari, dont je vous promets la prochaine fois je vous dirai qui est le compositeur. Merci beaucoup à Jean-Pierre infiniment, merci à Ilan d'être venu nous parler, en effet, de cette montagne. On espère qu'en tout cas, vous a donné envie au moins déjà de revoir le film et de lire le livre qui est absolument passionnant. Merci à vous. Et donc à... Merci à dans 3 semaines à peu près. On va voir ça. Et donc on écoute. Merci beaucoup, Nicolas.